Sujet. Là, il y a de la musique. Pas de voix off. Mais à l'image, vous avez les images qui défilent et du texte sur les images. Ça part en direct sur la télé et sur l'application France Info parce qu'on a plus l'habitude de regarder sans mettre le son sur les smartphones. C'est pour ça qu'ils font ça. Trois médias associés, Laurent, ça veut dire que ça fonctionne comment ? Chacun garde son indépendance ? Oui, exactement. Mais les trois ne se complètent toute la journée. Les rappels de titres, ça c'est Radio France, c'est à Radio France que ça se fait. France 24, elle, prend la nuit jusqu'à 6h du matin. France Télé, le reste. Les archives rétro, Célina. Toute la journée, en fait, on valse de l'une à l'autre. Germain Dagonet. C'est le maître mot de notre projet, c'est la coordination. Les rédacteurs en chef sont reliés en permanence les uns aux autres pour se parler, pour savoir quels angles ont été choisis du côté de Radio France, du côté du web et du côté de France 24. Ce qui fait d'ailleurs qu'on peut s'enrichir les uns les autres du travail que nous faisons chacun de notre côté. Voilà, pour les visages de la chaîne, on va citer Laurent Bignolas, Louis Laforge, Myriam Bounafa, il y a près de 200 journalistes. Ils sont quasiment sur tous les tuyaux qui existent après. Là où ils feront la différence, c'est sur ce qu'on met dans les tuyaux. Alors, France Info, un lancement officiel en version TNT sur le canal 27 ce soir à partir de 20h. Nous sommes d'accord. Dans quelques instants, nous allons dire au revoir à Laurent Godet. Vous saurez si vous avez gagné son livre dédicacé. Merci de nous écouter et à tout de suite. C'est pas toi qui perds toujours tes bâtons de colle ? Mais non, c'est Tristan, il me les pique tout le temps. Bon, t'en fais pas ma puce. Jusqu'à lundi chez Carrefour, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le lot de 6 bâtons de colle scotch. Cool, comme ça j'aurai 6 bâtons de colle scotch rien que pour moi. Bah ouais, mais par précaution, on va quand même en prendre un lot aussi pour Tristan. Hein ? Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, jusqu'à lundi, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme le lot de 6 bâtons de colle scotch. 6 x 8 grammes, modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Il était une fois sergent-major. Un pays fantastique de vêtements pour enfants où des aventures magiques se vivent par tous les temps. Pour l'école, pirates en herbe ou princesses cousues d'or s'habillent de la tête aux pieds chez sergent-major. Des tenues tellement à croquer que toutes les mamans vont craquer. En ce moment, pour deux articles achetés, sergent-major vous offre moins 25% sur votre préféré. Moins 25%, même sur l'article le plus cher. Et ça marche aussi pour les manteaux et les parkas. La rentrée, ça se fête. Sergent-major, des histoires plein la tête. Vous rêvez de faire construire votre maison ? Alors, ne ratez pas le salon Faire construire sa maison, les 9, 10 et 11 septembre à Paris, porte de Versailles. À la rentrée avec Carré Blanc, osez la couleur. Pour les petits et les grands, parures de lit, serviettes colorées, peignoirs, couettes douillettes et oreillers, rééquipez votre intérieur à prix tout doux avec Carré Blanc. Osez la couleur. Profitez de la qualité Carré Blanc jusqu'à moins 30%. Condition de l'offre en magasin valable jusqu'au 20 septembre. Liste des boutiques sur carréblanc.com. Chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Papa, je peux te parler d'un truc ? Bah, tu sais, j'ai un ami qui vient de perdre son père et c'est dur pour lui de gérer le deuil, mais aussi les obsèques, tout ça. T'essaies de me dire quoi là ? Ah, oh, mais je parle pas de toi, hein. Ça t'angoisse pas, ce genre de truc ? Mais non, parce que ça m'arrivera pas. Quoi ? J'ai tout prévu, Luc. J'ai souscrit une garantie obsèque chez Harmonie Mutuelle. Ah, t'as tout prévu. Merci, papa. Chez Harmonie Mutuelle, notre garantie dépendance vous permet de ne pas être financièrement à la charge de vos proches en cas de perte d'autonomie. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Laurent Godet, vous évoquez donc trois figures historiques dans votre roman qui vient d'être publié, Écoutez nos défaites, aux éditions Actes Sud, trois grands combattants, l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié, le général Grant, vainqueur de la guerre de sécession. Qui est le troisième qui défia Rome ? Hannibal et ses éléphants, ses 40 éléphants. Et voilà, et ses 40 éléphants. Si vous nous avez appelé pour nous donner cette réponse, eh bien, vous avez gagné le livre de Laurent Godet qu'il va dédicacer dans quelques instants même dans ce studio. Merci. Merci à toute l'équipe, merci à vous d'avoir passé merci ce moment de votre avec invitation. Nous. Heureux de vous accueillir et on va retrouver avec grand plaisir Julien Courbet et toute son équipe. Comment allez-vous, monsieur Calvi ? Bon, plutôt bien. Bon, je vous ai regardé hier soir, très bien. Qui est votre invité ce soir ? Je ne sais pas encore. Ah, ben, mais si. Non, non. Vous annoncez dans les bandes annonces, c'est pas. Ah, c'est non. Pas. Mais le président de chez DIM, non ? Ah non, j'ai pas. Non, comme je vous ai entendu dire ça. Le président de chez DIM. Yves Calvi, c'est quoi pour vous mettre les gens au cœur de l'info ? C'est inviter les meilleurs experts politiques et économiques pour qu'ils nous expliquent tout ce qu'il se passe autour de nous. Bref, tout ce qui fait débat. Il en fait. C'est pour ça que j'ai pas compris. Elle m'est venue à 7h12, celle-ci, en vous écoutant. Voilà. J'ai longuement cherché avant de me demander où on allait aboutir. Il faut aller la chercher très loin. Oui, oui, non, bah, c'est bien. On arrive en haut de la jambe. Allez, je vous... exactement. Voilà. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée. En direct, 9h31, c'est parti. Le jeudi, c'est une journée spéciale. La spéciale Portes Ouvertes, c'est le jeudi sur RTL. Dans Ça peut vous arriver, entre 9h30 et 11h. Effectivement, le jeudi, nous travaillons sans filet. Vous appelez à 9h et vous êtes directement sur l'antenne d'RTL. Je vais vous le prouver immédiatement. Romuald est en ligne. Romuald, bonjour. Bonjour. À quelle heure avez-vous appelé, Romuald ? 9h15. Eh bien, vous voici sur l'antenne. Nous allons tenter de régler tous vos cas. Et encore une fois, pas de blabla ici. Des négos en direct. Pas de débats qui n'en finissent plus. Du concret, du conseil. Voici l'équipe. Maître Felono La Divina est avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Il y a bien sûr les deux négociateurs, les deux meilleurs négociateurs de la radio. Hervé Pouchol, Bernard Sabat. Bonjour, Julien. Toutes les équipes d'Alain Hazard, le standard, tout le monde vous attend. 3210, appelez maintenant, vous serez dans quelques minutes et votre problème sera peut-être résolu sur RTL. Et avant d'attaquer le cas de Romuald, pour vous remercier, vous féliciter, vous dire vraiment mille fois merci d'avoir fait de cette émission l'émission la plus écoutée de France, avec 1,4 million d'auditeurs à chaque instant, plus du double de nos concurrents. Merci. Voici une nouvelle fois un iPhone 6S, une valeur de 860€. Pour le gagner, il est magique, ce nouvel iPhone 6S. C'est la rentrée, selon la chanson qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Un, c'est ce sacré Charlemagne, ou deux, ce sacré Charles III. Alors, vous téléphonez en faisant 3210, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu et pour avoir des chances de gagner, tapez donc 1, c'est un conseil. RTL 74900, c'est le SMS. L'iPhone 6S est à gagner d'ici 11h, téléphonez vite. Romuald, on parle de voiture ? C'est ça. Décembre 2015, vous avez acheté d'occasion une marque allemande, une voiture avec garantie. Elle était garantie combien de temps ? Un an. Vous l'avez acheté combien, sans indiscrétion ? 12 000 euros. Donc c'est un concessionnaire de la marque ou un garagiste indépendant ? Non, c'est un concessionnaire de la marque allemande. Elle est tombée en panne combien de jours après ? Environ 10 jours après. Ah oui, effectivement, qu'est-ce qu'elle avait ? Un problème moteur, l'alternateur. Et après, ils vont vous la réparer, c'est ça ? Ils ont changé la pièce ? Difficilement, j'ai dû un petit peu batailler avec eux pour qu'ils puissent le prendre en charge. Ah, parce qu'ils ne voulaient pas le prendre en garantie ? Non. D'accord, ils justifiaient... Oui, mais encore. C'est clair. Ils justifiaient ça comment ? Que cette pièce moteur ne fait pas partie intégrante du moteur. Oh là là là là. Quelques semaines après, le voyant s'allume tout seul. Le moteur se met à fumer énormément. Vous les rappelez, qu'est-ce qu'ils font ? Ils me disent que... En gros, après une demande de prise en charge, ils me disent que ce n'est pas possible et que ce n'est pas une pièce moteur également. Ah ben dis donc, en fait ils sont très forts parce que toutes les pièces du moteur, ils ne les mettent pas dans le moteur. Comme ça, on est sûr de ne pas changer. C'est quand même fou ça, Maître Felono. Faudra un jour, là aussi, hein, nous sommes des agitateurs d'idées, que le législateur, qui actuellement, vous le savez, est en campagne, mette un peu son nez sur ces espèces de conditions générales de réparation. C'est-à-dire qu'elle est garantie, on répare tout, sauf. Et la liste du sauf fait qu'au bout du compte, il ne répare pas grand-chose. Hein. Mais c'est déjà fait, Julien, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ah ben, parce que là, je m'en fiche complètement de ce que raconte le garage. Moi, je dis que c'est garanti et qu'il va payer la réparation. Journée porte ouverte, voilà. Un appel, 9h15, 9h35, Romuald est sur l'antenne, 9h35 et 17 secondes, nous téléphonons, qui est sur le coup ? C'est Hervé Pouchol. Oui. Alors on y va, Hervé, vous appelez maintenant le vendeur de la marque et nous allons essayer de comprendre avec lui ce qui se passe. Ça devrait sonner d'une seconde à l'autre. Vous pouvez aborder absolument tous les sujets au 3210. Profitez-en aujourd'hui. Pas de filtre, on y va, on prend les fiches au fur et à mesure qu'elles arrivent. Bonjour. Vous êtes en communication avec Espace VI 77, votre distributeur Mercedes-Benz et Mitsubishi Fuseau. Fuseau, oui, Mitsubishi Fuseau, les pantalons de ski Mitsubishi, merci, vous ne connaissez pas. Monsieur. Bonjour. Oui, bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Madame, est-ce qu'il est possible d'avoir, s'il vous plaît, un responsable concernant un client voilà, qui nous a appelé, qui a quelques petits soucis avec une réparation qu'on ne veut pas lui passer en garantie ? Alors peut-être, je ne sais pas s'il oui, y a le. Pas, je vais vous passer quelqu'un. Oui, merci madame, c'est merci. Très gentil. Voilà, grand groupe, bon accueil, oui. On va être aiguillé, oui. À peu près 45 ans, 1m75, je la vois blonde. Oui, car il faut le dire qu'il y a... c'est un plus cette année, Hervé Pouchol fait un peu de voyance. Oui. Et à la voix, il est capable de nous dire comment est son interlocutrice. Donc, je note, redites-nous, vous dites... 45 ans, 1m75, blonde. Alors notez, nous lui demanderons à cette dame. Oh ben non, je vous en prie. Non, pas là, évidemment. Quand même. Allô ? Oui, bonjour. Ah ben voyez, c'est pas le cas, Hervé. Allô, bonjour, monsieur Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Pardonnez-moi de vous déranger. Je suis avec votre client, qui s'appelle Romuald Gien, qui a des petits soucis de service après-vente. Est-ce qu'on peut vous expliquer hors antenne son problème ? Oui, bien sûr, allez-y. Alors, comme je ne vais pas répéter aux auditeurs, je vous passe tout de suite Hervé Pouchol et je vous retrouve dans quelques instants pour qu'on puisse avancer sur ce dossier avec des gens sérieux comme vous. D'accord ? Allez-y. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Hervé, vous expliquez à ce monsieur. Alors, là, il ne fait que lui expliquer. Après, dès qu'on rentre dans la négo, vous nous le repassez. Il y aura la petite alerte, d'ailleurs, puisque dans cette émission, toutes les négociations ont lieu sur l'antenne. Premier cas lancé, maintenant, il nous faut de l'explication. Il nous faut un petit peu de droit. Maître Fellono m'a dit, mais Julien, les conditions générales sont très encadrées. Vous ne le saviez pas, grand bêta. Je vais vous l'expliquer. Oh. Eh bien, qu'elle explique la règle d'or. Tout de suite sur RTL, Maître Fellono et son article de loi qui vous donne raison. Expliquez-moi. Alors, ce sont des articles, puisque c'est le Code de la consommation dans ses articles 217-4 à 14, qui a instauré une obligation légale de conformité. Je vous en rebats les oreilles depuis quelques temps, mais elle fonctionne notamment entre un professionnel et un particulier. Et pour un véhicule d'occasion, c'est 6 mois de garantie. Quelle que soit la panne, on se moque que ce soit sur la portière ou à partir du moment où quelque chose ne fonctionne pas, il doit être réparé. Si on l'achète neuf. Alors non, là 6 mois, si c'est un véhicule d'occasion, 2 ans. Deux maintenant. Ans. Donc deux il n'y a plus ans. De c'est exclu de la non, garantie, exactement. Etc. Et 2 ans pour un véhicule neuf. Ça, attention, c'est... si l'achat a été fait après le 18 mars 2016. Est-ce que c'est le cas? Alors là, c'est un véhicule d'occasion. 2015. Et donc, c'est 6 mois. Et donc, si les pannes dont notre ami se plaint sont survenues dans les 6 mois de la vente, eh bien, Romuald, tout doit être pris en charge par ce vendeur professionnel. Donc, on va voir ce monsieur et nous allons lui expliquer ça. Hervé va nous en dire plus dans quelques instants. Alain Hazard, rédacteur en chef, voudrait prendre la parole. Oui, Julien, c'est pour ça que bien souvent, dans les garages, on marque garantie 3 mois. En fait, c'est un effet de marketing. Évidemment que la voiture est garantie 3 mois. On n'a pas besoin de le marquer. Absolument. On essaye de vous vendre ça en vous disant, écoutez-moi, je vous vends une voiture garantie 3 mois. Mais c'est forcément évident qu'elle est garantie 3 mois puisque c'est au moins 6 mois. Est-ce que Hervé, peut-on lui tendre le micro ou en est-on, Hervé, l'explication? Je suis en quand tu continues à lui expliquer parce que j'ai eu un petit problème de téléphone. Ah. Donc j'ai changé de poste pour tout vous dire. Ça marche. Je ne cache rien. Commencez à vous habituer effectivement à changer de poste car ça ne devrait plus tarder à arriver vous concernant. 9h39, RTL en direct pour vous aider, rien que pour vous aider, du concret, de la bonne humeur. On en a besoin. On nous annonce des catastrophes. On a besoin de rire, même de situations difficiles, à condition qu'il y ait au bout un résultat. Et c'est souvent le cas. D'ailleurs, on fera un point sur ce qui s'est passé hier. Avant-hier, ne vous inquiétez pas. En préparation, est-ce que je peux dire juste un petit mot à Saoudad? Bonjour Saoudad. Quel bon prénom. Bonjour. Oh Saoudad, c'est de quelle origine Saoudad? Portugaise. Portugaise, ma Saoudad. Eh bien, depuis combien de temps vous avez un point commun avec Maître Fellono? Depuis combien de temps n'avez-vous pas le téléphone? Un mois à peu près. Voilà, alors ça, c'est un bienvenue autre opérateur. Parce que, j'ouvre une parenthèse, Maître Fellono, je vous ai demandé l'autorisation de pouvoir traiter son cas avant-hier. Est-ce que ça a avancé? Vous êtes bloqué chez qui êtes-vous? Ah, moi, je suis France Télécom, enfin Orange maintenant, c'est ma ligne fixe. Et vous n'avez plus de... Je n'ai plus de téléphone, ça veut dire que je n'ai plus d'alarme, je n'ai plus non plus d'Internet. Enfin bon, c'est la cata. Donc on a téléphoné pour vous, est-ce que ça a bougé en 48 heures? Non. Ah bon? Non, j'attends. Vous voyez, c'est les cordonniers qui sont les plus mal choisis. Ce que j'adore, c'est que les auditeurs sont morts de rire. Elle est en train d'annoncer qu'elle n'a plus de téléphone, plus d'alarme. Et la Saoudad, elle dit oh, Comme moi. Bon. On est pareil, Julien. Exactement. Et vous êtes aussi belle qu'elle, j'en suis sûr, Saoudad. Saoudad, Mais c'est, je le pense, Saoudad, nous allons appeler votre opérateur dans quelques instants et relancer un peu nos amis d'Orange, puisque au-delà de ça, au-delà du gag, du fait non, que ça moi, arrive. C'est à... pas chez Orange, ah, je sais bien. C'est pour ça que je viens de dire, il y a quelques instants, vous êtes chez un autre opérateur. Et alors que Maître Fellono est chez Orange. Oui, c'est ce que je vous explique, Saoudad. Vous êtes chez un autre opérateur, mais Maître Fellono qui est chez Orange, nous allons rappeler aussi pour elle. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, et on nous l'a chaque fois, on nous l'a expliqué, quel que soit votre opérateur téléphonique, parce que moi pour Internet, ce n'est pas Orange qui est mon opérateur téléphonique, en ce qui concerne une dégradation de la ligne elle-même, tout appartient et tout est géré par Orange qui est propriétaire et qui doit entretenir et réparer les lignes. Ce n'est pas SFR ou Bouygues qui a le pouvoir de le faire. À venir. Passe par Orange. Donc, suite du cas numéro 1 de la Mercedes que l'on ne prend pas en garantie et pourtant qui est garantie et qu'il a quand même payé assez cher, Hervé. Monsieur, toutes les informations, laissez-lui le temps de taper sur son ordinateur l'immatriculation et je reviens vers vous. Cas numéro 2, appel pour le téléphone, quel que soit votre problème, 3210, ça sera pour Saoudad. Et puis toujours, l'iPhone 6S a gagné 860 euros pour vous remercier de votre fidélité. 3210, touche numéro 2, puis touche numéro 1, ou RTL au 74 900. La vie est belle, elle est sur RTL, vous écoutez le 9h30, 11h, l'émission qui vous fait du bien. A tout de suite pour l'appel. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le cas de Saoudad arrive dans une seconde sur l'antenne d'RTL, mesdames et messieurs, mais je vous replonge dans votre été. J'avais envie ce matin de vous refaire un peu bouger. Vous avez dansé là-dessus, Bernard, hein? Oui, avec ma femme, on a fêté les 32 ans grâce à cette musique. Vos 32 ans de mariage, oui. Ah, c'est les noces de quoi? De merde. Au début, on n'a rien. Heureusement, scandaleux. On le coupe au montage, en plus, il a la chance. Il a une femme, je vous le dis honnêtement, au-dessus de ses moyens. Oui, et c'est pour ça. Elle me coûte à max, oui. Non, pas pour ça. Elle a une classe, une beauté, une gentillesse, vous ne la méritez pas. Alors vous avez intérêt, je vais vous donner maintenant 8 secondes, et ce n'est pas beaucoup, pour lui faire la plus belle déclaration, si elle nous écoute, Ruti, que l'on embrasse. Merci de me supporter depuis plus de 32 ans, chérie. Ben voilà, tant pis pour elle, parce qu'il y a une alerte maintenant. Oui, elle n'a pas de chance, cette pauvre Ruti, on lui fait un gros bisou. Que se passe-t-il, Hervé ? Eh bien écoutez, le monsieur du garage vient de vérifier l'immatriculation, il a quelque chose à vous dire. Mais c'est formidable, bonjour, rebonjour monsieur, merci en tout cas d'aller aussi vite, ça fait plaisir d'avoir des pros, je vous écoute. Ah bonjour, donc le véhicule, moi, de ce que je vois dans mon historique du véhicule, la dernière fois qu'il est passé chez nous, donc c'était en novembre 2015, donc certainement avant qu'il soit vendu à ce monsieur. Par contre, depuis, je n'ai rien du tout chez moi en historique. Alors, Romuald, vous le faites réparer chez qui ? Je le fais réparer à la concession Mercedes de la ville où je me trouve, Tours. Oui. Mais alors, là, vous nous avez donné une adresse, vous, celle que l'on a appelée. Du vendeur, je suppose. Du vendeur. Mais ma concession a transmis au vendeur, la personne qui me l'a vendu, toutes les pièces et toutes les prises en charge, les frais, etc., etc. Donc, ils ont, eux, pris en charge la première facture. Alors, ça, c'est important. Monsieur, apparemment, votre concession a pris en charge la première, puisque vous dites, oui, c'est nous qui lui avons vendu, on la prend en garantie. Là, elle vient de retomber en panne sous garantie. Et apparemment, sur la deuxième, ça bloque. Mais vous n'avez pas de traces d'un paiement que vous avez fait. Comment s'appelle-t-il votre concessionnaire, Romuald ? Moi, c'est Mercedes-Benz VI, c'est 37, hein, c'est la concession de Tours. D'accord. Vous n'avez pas de trace de ça, monsieur ? Non, moi je n'ai rien du tout. Ben, le problème, c'est que moi je suis à l'atelier. Hein. Je m'occupe uniquement de l'atelier, donc je ne vois que ce qui arrive chez moi en atelier. Ce qui se passe chez les autres concessions ailleurs, je ne peux pas voir ce qui se passe. C'est pas ça, c'est que les autres concessions ailleurs ont demandé une prise en charge à votre patron, mais vous, ça n'arrive pas chez vous. Non, moi je suis pas le patron, d'accord. Je suis responsable après-vente, et tout ce qui se passe à l'atelier, j'ai compris. Ça me concerne, après ça reste au commerce. Par contre, il y a une chose quand même qu'il faut que je vous explique, c'est que quand c'est vendu en véhicule d'occasion, ces véhicules-là, ils ont un carnet de garantie. Donc ça doit être une garantie par Use One, Opt-Oven, si je me trompe pas. Et dedans, il y a toutes les clauses de garantie qu'il y a dedans. Donc en général, ce qui se passe, c'est que souvent le garage réparateur, quand le véhicule est en panne, le garage réparateur fait appel au service Opt-Oven. Donc c'est-à-dire il y a un numéro de téléphone, il contacte la personne du carnet de garantie. Maître Felonneau. D'accord. Alors, ça explique, monsieur, effectivement, que comme ces contrats ont des clauses d'exclusion de garantie, car ce ne sont pas des garanties légales, ce sont des garanties commerciales et contractuelles, là, on est tombé sur, effectivement, une clause qui disait non, ce n'est pas pris en charge par la garantie. Mais moi, je vous parle de la garantie légale, la garantie du code de la consommation, celle qui vous oblige, pendant les 6 mois qui suivent la vente, de prendre en charge toutes les réparations. Et si on franchit le cap des 6 mois, c'est l'article 217-4-14 du code de la consommation. Et si on dépasse ce délai de 6 mois, on passe dans les vices cachés. Alors là, c'est le temps de la durée du véhicule. Est-ce que, monsieur, vous pourriez jeter un petit coup d'œil, si on vous donne le numéro de téléphone, effectivement, de l'autre concession, de voir avec eux ce qui se passe, de manière à ce que ce Romuald qui a acheté chez vous puisse être satisfait. Moi, je peux transmettre surtout le dossier aux personnes concernées, parce que c'est pas moi qui... Oui, c'est ça. Alors, donnez-moi le nom d'interlocuteur. Alors, le responsable de garage, c'est Monsieur Stéphane Mingot. Oui. Bon, là, pour l'instant, il n'est pas là, il est en clientèle. Sinon, après, c'est Monsieur Benjamin Boyer qui est le vendeur du véhicule. Non, mais le vendeur, je pense qu'il pourra rien. Le président, Monsieur Joubert, est là? Pardon? Monsieur Joubert, c'est le président? Oui, Monsieur Joubert, lui, par contre, il est sur le siège à Melun. D'accord, bah on va peut-être essayer de l'appeler lui pour avancer. Si vous pouvez nous donner le siège de Melun, ça serait formidable. Alors, c'était pas... Ah, d'accord, le numéro de Melun, bah, je crois qu'on l'a apparemment. Non, moi j'en ai un à Saint-Denis, les enfants. C'est pas Melun que j'ai. Donc nous allons essayer de noter le numéro. Saint-Denis, c'est Melun. Ah, Saint-Denis et Melun, c'est pareil. Ah, mais je ne savais pas. Ouais. Écoute, c'est à peu près, c'est dans le même coin. Très bien. Alors, écoutez. Standard, c'est le 0164. Ah, on a vérifié le donné pas à l'antenne, on a checké, on l'a, Julien. Moi, ça démarre mal parce que moi j'ai 0160. Vous dites que c'est 0164. On a vérifié sur société.com. Allez, ça va. Oui. C'est bon. Oui, c'est bon pour le reste. On va se débrouiller. Merci, monsieur. En tout cas, on essaie d'y voir un petit peu plus clair. Donc, je résume. Merci, bonne journée. Merci de votre gentillesse, monsieur, et de votre rapidité. Je résume. Romuald achète une voiture donc chez un concessionnaire. Elle tombe en panne. Il l'emmène chez le concessionnaire de sa ville, puisqu'il habite beaucoup plus loin. Et le concessionnaire de sa ville dit bah, moi, la garantie, il y a des exclusions, puisque moi, je suis à un autre garage. Je ne peux qu'appliquer une espèce de. Comment dire. Je regarde la garantie contractuelle qui est que vous pouvez ou vous ne pouvez pas souscrire, d'ailleurs, mais effectivement, qui exclut certaines réparations. Sauf qu'il y a une garantie légale. Qui existe légale chez le premier, pour le coup. Qui concerne le vendeur. Voilà. C'est lui qu'on a eu, donc maintenant on va appeler le patron. C'est reparti. Mon petit Hervé, vous essayez de m'avoir dans une seconde, s'il vous plaît. On va l'essayer tout de suite, on fonce, on fait avancer les dossiers, on marque une toute petite pause. Et Hervé, vous me retrouvez, vous appelez le standard. Préparez le numéro le temps d'une petite pub de 40 secondes. Avec Télé 7 jours, The Beatles. Retrouvez, réunis pour la première fois dans une collection inédite, tous leurs albums originaux, entièrement remasterisés, dans une superbe édition de luxe. The Beatles, la collection événement. Cette semaine, le CD numéro 1, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 9,90€ seulement avec Télé 7 jours. Jusqu'au 13 septembre, Conforama vous offre des produits vendus à prix coûtant. Alors, on est coûtant ? On est content ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur Conforama.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous appelons donc le siège maintenant. Si vous le voulez bien, ça sonne et nous allons essayer d'avoir le président. Alors, c'est à Melun ou à Saint-Denis, c'est la même chose apparemment. C'est pas bien compris. Non, parce que la ville, c'est Vert, V-E-R-T, Saint-Denis. Oh. Ah, c'est Vert. Dans 77, c'est pas Vert, la ville de Saint-Denis. C'est pour ça que ça. Finalement, ça prête à confusion. Oui, oui, mais je connais cette méthode, vous me l'avez fait deux fois. Viens me rejoindre chez moi, tu habites où? Vert Saint-Cloud. Va trouver après. Je me suis retrouvé à tourner des nuits entières. À le côté de Vert, tu vas voir si ça marche. Et on se retrouve à quelle heure? Oh, bah, viens vers. Vers 22h. Mais j'ai suivi personne. Mais je t'avais dit vers. Hein. T'es pas dit 22h. Et là, je peux mettre. Mets-la vers là. Mais y'a rien là-bas, je t'ai pas dit de. 117 à Vers Saint-Denis, votre distributeur agréé Mercedes-Benz et Smart. Veuillez patienter quelques instants, un de nos collaborateurs va vous répondre. Oui, merci. Mais lequel ? iPhone 6, les enfants. iPhone 6S a gagné pendant ce temps-là. Hein. 3210, touche numéro 2 pour le standard et 1 pour donner la bonne réponse. RTL 74-900. Attendez, ça sonne, Maître Fellono. Je vous donne la parole ensuite. Je ne voudrais pas couper la parole à un interlocuteur qui tarde, qui se précipite sur le téléphone. Ça sonne. Il ne sait pas encore s'il va répondre. Il prend la décision. Il appelle sa femme en lui demandant ce que je peux répondre. Elle lui dit, c'est ton boulot, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Elle vient de raccrocher. Oui, bonjour madame, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le secrétariat de monsieur Joubert, s'il vous plaît? C'est concernant un cas que nous essayons de traiter à la radio de vente de voitures chez vous. Monsieur Joubert, vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit? Ah, je ne suis pas chez... Frédéric Joubert, président de la société Techstar. Je ne suis pas chez Techstar Mercedes. Oui, mais à Melun. Ah ben, c'est bien ce que je disais, donc. Voilà, tout à l'heure, je viens d'avoir quelqu'un qui m'a dit c'est la même chose, c'est le même numéro. Allez, merci madame. Excusez-moi, je suis entouré de gens qui... Non, mais c'est pas du tout le numéro qu'on m'avait donné au départ, les enfants. Hein. C'est pour ça que je vous assure que, dès le début, on avait le bon numéro. Charlotte avait trouvé le bon et vous avez voulu en faire un autre, donc on y va. Vous faites, s'il vous plaît, Sarah, le 01. Merci madame, au revoir et pardonnez-moi. 01 60 69 62 58. Là, c'est vers Saint-Denis. Et là, on était à Melun, c'est ça ? Mais sur Internet, Julien, c'est bien noté ce numéro-là avec Vers Saint-Denis. D'accord. Mais comme je lui avais demandé, elle m'avait donné un premier numéro. Qui ne matche pas, qui est un fax. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant on comprend. Voilà, c'est pour ça qu'on avait cherché un autre numéro. Alors, on va vous faire gagner l'iPhone 6 parce qu'on est à 1,4 million, mais on va pas y rester longtemps, donc profitez-en, parce que je pense que la prochaine fois, on va vous dire qu'il y a un pins à gagner parce qu'on est passé à 1,2 million. Bon, c'est quand même incroyable d'avoir personne dans cette concession. C'est une énorme société, il y a 17 établissements, 117, presque 118 millions de chiffres d'affaires en 2014. Donc, je ne comprends pas, nous avons un siège social inscrit sur des renseignements officiels à Vers-Saint-Denis. C'est la bonne adresse que nous avons trouvée ensuite dans les pages jaunes. Et donc, nous trouvons un numéro de téléphone. On rappelle cette dame et vous demandez le numéro de M. Frédéric Joubert. Voilà. Un employé, oui, effectivement. On peut aussi quand même appeler Mercedes France. On a... Oui, si vous voulez, mais je préfère qu'on passe par Texter. Donc, on trouve le numéro. Allez, on va enchaîner. Oui, Sarah, que se passe-t-il, s'il vous plaît, Marie. On a un autre numéro, Julien, juste qui change d'un chiffre à la fin. On va peut-être réussir. Bon, allez, dernière tentative, parce qu'après, ça ne va plus aller là. Mais on va vous trouver quelqu'un. On fait la même chose que vous, de toute façon. Vous le savez, on fait tous les numéros. Nouvelle tentative. Donc là, on serait censé être chez qui ? Je ne sais plus. Bon. Toujours Techstar. Non, pas Techstar, Techstar. On n'ose pas le CH. Oh, dis donc, je vous vois bien commenter des matchs de foot. Oh là là, quelle technique pour ce joueur. Ça serait formidable. Techstar. Je crois que vous allez avoir une belle carrière. Elle va sur Fun Radio un peu l'été, mais là-bas, on parle comme ça ici. Malheureusement, on ne peut pas. Allô, oui, bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, je suis en direct sur la radio RTL, j'espère que je ne vous dérange pas. On essaie de régler le problème d'un auditeur qui a un petit souci de service après-vente. D'accord. Avec Texas. Je vais vous mettre en relation avec la bonne personne. Alors madame, écoutez-moi, avant oui, d'avoir la bonne... Est-ce que vous pensez que monsieur Joubert est là ? Alors ce ne sera pas monsieur Joubert, mais je vous mets en relation avec monsieur Garcia. Avec d'accord, c'est parfait, on y va. Un instant, je merci. Vous allez, à votre service. Ce que je vous propose, merci beaucoup madame, ils sont sympas dans la page, dans la façon de répondre. Alors déjà, peut-être une évaluation de la dame. Oui, 25 ans, 1m62. Très bien. Donc, monsieur avec Garcia va arriver dans une seconde, vous expliquez à monsieur Garcia hors antenne, et on commence la négo ensuite, après avoir écouté ce qui a été quand même et qui reste the méga tube de la rentrée. Kungs, These Girls, vous êtes dans le 9h30, 11h RTL. ses journées portes ouvertes. Appelez le 3210. Ça peut vous arriver. Le principe du jeudi, c'est qu'on appelle dès 9h du matin et on est directement sur l'antenne d'RTL et on peut continuer à appeler pendant l'émission. Faites-le au 3210, tous vos problèmes, peut-être problèmes de voyage catastrophe, puisque on revient donc de voyage pour la plupart d'entre vous, ceux qui ont eu la chance de faire un voyage. Et vous savez, ça peut être un problème de camping, de location, etc. Là, on a démarré avec un cas d'un monsieur qui achète une voiture allemande dans une grande concession sérieuse. Il s'en va avec, elle tombe en panne, on ne veut pas lui prendre en garantie, finalement il l'obtient, et comme il habite loin, il va chez un autre Mercedes, où là pour la deuxième panne on lui dit, c'est pas dans notre garantie à nous, voyez avec celui qui vous l'a vendu. Et nous essayons de retrouver celui qui l'a vendu, nous avons retrouvé, c'est un énorme groupe, maintenant il nous faut la bonne personne. Alors, je suis avec Monsieur Garcia qui me dit qu'il ne gère que le site de Melun et il a quelques difficultés à retrouver l'immatriculation. Donc, je vais peut-être avoir quelqu'un. C'est la patate chaude de la matinée. Ça marche. Alors, nous allons maintenant appeler, changer de cas et faire celui de Saoudade. C'est le deuxième cas. Saoudade, vous êtes en ligne. Donc, on va amorcer l'explication, info, et ensuite, on lance les négos en direct avec vous dans le 9h30, 11h. Donc, un mois maintenant que vous n'avez ni téléphone, ni Internet. Quand vous les appelez, est-ce que déjà, il y a eu un événement qui fait que tout a disparu du jour au lendemain? On ne sait pas. Parce... Je vous écoute. On était en France et comme on a l'alarme qui est reliée sur Internet au téléphone de mon mari, on s'est aperçu qu'on ne pouvait rien faire. Mais est-ce qu'il y a eu un changement de box, un machin, un truc comme ça? On a changé la box parce qu'on leur a téléphoné et ils nous ont changé la box. Donc même avec la box, il n'y a rien. Bon, donc plus de téléphone, etc. Par contre, je suppose que vous recevez toujours les factures. Et oui. Ça vous coûte combien ? Oh, à peu près dans les 35, 36 euros. Bon, alors c'est pas pour le prix, mais quand même, moi j'estime que quand on vous coupe comme ça 15 jours, on devrait au moins vous le faire sauter, vous le proposer spontanément. Oui, alors bon, ça c'est un deuxième temps. Le premier temps, c'est avoir une solution technique, Julien, parce qu'effectivement, vivre sans téléphone au 21e siècle, moi je sais pas, bientôt il va falloir pédaler pour produire sa propre électricité, je trouve que c'est quand même totalement incongru. Et donc, moi je veux bien qu'il y ait des complications techniques, mais voilà, un mois, je pense que c'est, voilà, on a assez attendu. Notre chère auditrice et moi-même. Nous allons donc les appeler. Rappelons qu'il y a les gros tuyaux qui appartiennent en fait à Orange. Qui sous-traitent, sous-loue ces tuyaux pour que du SFR, du tout ce que vous voulez, du free pass. Ligue, et quand il y a un tuyau qui ne marche pas, et bien tous ceux qui sont free et SFR, et même ceux qui sont Orange ailleurs, bien plus personne ne l'a tant qu'on n'est pas venu réparer le tuyau. Je l'ai dit avec mes mots, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est vous qui allez vous occuper de ce cas, Bernard? Oui, Julien. Donc, on passe allons... SFR. Effectivement, très, très bonne. Elle est excellente, celle-là. Ce problème-là, c'est pour ça qu'il est marié depuis aussi longtemps, parce que sa femme, si vous voulez, dès qu'il rentre le soir, c'est tout de suite une blague. Oui, oui. C'est les noces de cuivre, hein, pardon, pour être plus sérieux. Très bien, les noces. Eh bien, offrez-lui des boucles d'oreilles. Parce que la dernière fois, elle est allée voir son médecin, il y avait des marques vertes. Ah non, non, Julien. Sur les cuisses, et le médecin lui dit, dites à votre mari de vous offrir de vraies boucles d'oreilles en or. Alors, parce qu'elle s'était oxydée, nous allons appeler les vrais numéros comme vous, ça va se passer dans une seconde sur l'antenne d'RTL. RTL, c'est l'émission préférée des Français, le 9h30-11h, car si on s'amuse, on règle les problèmes, on est concret, le 9h30-11h. Il est 10h pile. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour, ah, Anne-Léna, pardon, je suis désolée. Mais c'est pas très grave. Mais c'est encore mieux, allons-y. Bonjour à tous. Il y a au moins 2 morts au Gabon et plusieurs blessés lors de l'assaut des forces de sécurité contre le quartier général de l'opposant Jean Ping. L'annonce de sa défaite face au président sortant Ali Bongo a entraîné une nuit d'émeute. Ce matin-là, capitale Libreville est bouclée. La France a exprimé sa vive préoccupation et appelle à la retenue. Il n'y a aucune place pour la violence, dit le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault. C'est officiel, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a été destituée de ses fonctions pour avoir maquillé les comptes publics. Elle a été remplacée comme prévu par Michel Temer. C'est peut-être pour certains l'heure de la première récré. 12 millions d'élèves ont retrouvé le chemin de l'école ce matin. Une rentrée marquée par la réforme du collège et par des mesures exceptionnelles de sécurité. Le petit mot de Martine Aubry sur le départ du gouvernement d'Emmanuel Macron. Enfin, a juste lâché la maire de Lille ce matin alors qu'elle inaugurait une école. C'est ce que nous rapporte le correspondant de RTL dans les Hauts-de-France, Franck Hanson. Et puis Jean-Pierre Raffarin des Républicains a jugé, lui, ce départ désespérant pour les Français. Et si c'est une manœuvre politique, elle est extrêmement risquée, a précisé l'ancien Premier ministre, soutien d'Alain Juppé, qui était ce matin l'invité de RTL. La famille d'un viticulteur bordelais décédé d'une maladie liée aux pesticides va déposer une nouvelle plainte pour tenter de faire établir le lien entre cette maladie et les produits chimiques. L'enquête avait abouti au classement sans suite de la première plainte il y a un an. Football, c'est terminé pour le mercato. Sachez que l'Italien Mario Balotelli a signé à Nice hier soir. Ce soir, la France affronte l'Italie en match amical à Bari. Rendez-vous sur RTL dès 20h et jusqu'à minuit pour le club France RTL avec Christophe Paco et Bichente Lizarazu. Le temps pour ce jeudi, quelques nuages encombrants ce matin de la Bretagne jusqu'aux Ardennes, de belles éclaircies partout ailleurs. Le temps sera ensoleillé cet après-midi avec quelques orages sur la montagne Corse et sur les Alpes du Sud. Attention au Mistral qui soufflera 50 km/h dans la vallée du Rhône. Il fera entre 20 et 34 degrés aujourd'hui. 20 à Cherbourg, 21 à Brest, 26 à Rouen, 27 à Paris, 28 degrés à Nice, 29 à Nantes, 30 à Marseille, 32 à Grenoble et 34 degrés pour Nîmes et pour Avignon. Les courses ont lieu aujourd'hui à Chantilly. Voici les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet Plus. 4, 3, As, 6, 2, 10, 14 et 8. 4, 3, As, 6, 2, 10, 14 et 8. La dernière minute de Bernard, c'est le 3 Santa Monza. 10h et presque 3 minutes sur RTL. Très bon début de journée à tous avec Julien Courbet. Merci Anne, à tout à l'heure, 11h, avec beaucoup de plaisir. Nous sommes donc en direct, c'est la rentrée de Ça peut vous arriver, du 9h30, 11h RTL, et nous sommes là pour régler les cas de ceux qui appellent depuis 9h spontanément. Pas de prépa, on travaille sans filet, on vous écoute, on appelle, on enquête. Le 3210 est à votre disposition, vous pouvez encore passer d'ici 11h. Un premier cas, celui de la voiture. Bon, je vais pas vous refaire tout l'historique, mais là on cherche un interlocuteur. Hervé, est-ce que ça avance? Oui, sur le ça cas avance, je suis revenu à Villeparisis et Villeparisis me renvoie sur le directeur général que je viens d'avoir à l'instant. Bon, parfait, on va bien finir par voir quelqu'un. Et puis il y a Saoudade qui n'a plus SFR, elle ne comprend pas, on n'arrive pas à lui réparer. Ça fait un mois, donc elle n'a plus de téléphone, elle n'a plus... Et comment vous débrouillez alors, Saoudade? Ben j'ai le portable. Ah, oui. Ah ben le portable. Ah oui, parce qu'il n'y a plus de ligne fixe en fait. Ben non, plus de ligne fixe parce qu'il n'y a plus d'internet. Allez, c'est parti. C'est une ligne fixe, si on a deux portables, c'est fait. Donc nous faisons comme vous, nous faisons le fameux 10-23 Bernard pour essayer de régler le problème. Voyons comment on va être reçu. Pour écouter les mentions légales, tapez dièse. Non. Je ne veux pas les écouter, je suis clair. Vous connaissez par cœur. Votre appel concerne votre mobile ou SFR la carte, tapez 1. Votre non. Box de SFR, votre offre fixe ou fibre, tapez 2. Oui. C'est la 3, non, Saoudade? 3G ou tablette. La 2. La 2. Merci, Saoudade. Soyez bien à l'écoute, hein, j'ai besoin de vous. Les chiffres de la ligne fixe ou box de SFR concernés par votre demande. Waouh. Nous n'avons pas compris. Ah non, non. Allez, c'est reparti. Vous allez saisir les 10 chiffres de la ligne fixe. Voilà. Donc allez-y, refaites-le, ce qu'on a sur la fille. Oui. Oui. Oui. Parfait. Alors, là, t'as compris? Désolé. Nous n'avons pas compris votre réponse. Alors je vais me taire là, c'est peut-être parce qu'il y a des... Coupez les micros, alors excusez-nous, on va couper les micros. Pardon ? Tapez 1. Mais si, on le connaît. Votre ligne n'est pas encore activée et vous souhaitez... Le problème, c'est que comme on lui a coupé la ligne, ça se trouve, il ne la reconnaissent pas. Alors on fait une troisième tentative en coupant les micros. Juste le petit bip bip bip. C'est parti. C'est bon, là, elle a reconnu. Désolé. Oh, nous n'avons pas compris. Et voilà, c'est la magie de cette émission. Appelez-nous si vous avez un problème. J'ai un problème. Rentrez votre numéro. Vous le rentrez, on ne vous reconnaît pas. Oui. C'est quand même une histoire de fou. On fait quoi? Vous y arrivez, vous, Saoudade? Oui, oui, j'y arrive. Alors, on est des crétins. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Saoudade, je ne comprends pas. Alors, peut-être que c'est parce que ça passe par notre standard. On va essayer sur un autre. On a noté un mauvais numéro. On peut vérifier avec Saoudade aussi. Alors, non, on va le renoter. Oui, non, Sarah. Julien, il n'y a aucun problème avec notre standard. C'est réellement, je crois, le leurre qui ne reconnaît simplement pas le numéro de notre auditrice. Bon, alors, il proposait autre chose, ceci étant dit. Essayez de voir ce qu'il proposait à notre numéro. Oui, mais tu ne comprends pas grand-chose. Tu ne fais pas d'efforts, surtout Simone. Veuillez saisir le numéro de mobile que vous nous avez fourni lors de la souscription. C'est tout. Quelle belle émission de radio. Non mais c'est ce qui fait le charme de l'émission. Alors ça, je l'assume complètement. Ça, je veux être le miroir de ce qui se passe au quotidien. Alors effectivement, on pourrait vous mettre nous là. Sommes désolés. Et voilà. Nous n'avons pas compris votre réponse. Bon, Saoudade, on a un plan B. Vous me laissez quelques instants pour lancer le plan B. Et s'il le faut, on va remonter la hiérarchie. Mais je me mets à la place de celui qui a le même problème. En plus, quand vous envoyez des mails, on vous dit on n'a pas reçu le mail. C'est quand même la cata. Ça devient insupportable, cette histoire. Alors, on va téléphoner. On a un deuxième numéro. Oui, Sarah. Ah, Julien, je crois que là, cette plateforme a vraiment manqué de respect. Ça vient de me couper au nez, tout simplement. Je suis vraiment pas contente. Je recommence. Allez, c'est parti. Puis je tente un deuxième numéro. Saoudade, vous restez en ligne. Pendant ce temps-là, 3210. D'accord. Vous continuez de nous appeler. Quel que soit votre souci, travail, assurance, voiture, artisan, vous avez été aussi victime d'un voyage ou d'une aberration administrative. Vous êtes mort, monsieur. Mais non, je suis en face de vous. Prouvez-le. Voilà, sinon vous ne pourrez pas. Des trucs comme ça, c'est maintenant ou jamais au 3210. Le jeu, bien sûr, le 3210, c'est la touche numéro 2 pour arriver au standard jeu et gagner l'iPhone S de 860€. Puis ensuite, vous tapez sur 1 ou alors le SMS RTL 74900. Un petit coucou du troisième cas, porte ouverte du 9h30-11h. Est-ce que Jean-Pierre est en ligne avec nous? Jean-Pierre? Malheureusement, ça vient de couper, je le rappelle. Ah, merci, vous faites une très belle imitation de Benoît XVI. Sarah, Jean-Pierre? Jean-Pierre, tu réponds? Tu es là, Jean-Pierre? Jean-Pierre, allô, tu es en ligne. Mais oui, tu es en ligne sur RTL. Jean-Pierre, on se tutoie parce que oui, j'ai envie de vous tutoyer. Oui, bonjour. Bonjour, Julien. Comment ça va, Jean-Pierre? Ben, ça va. Je compte sur vous surtout pour m'aider, mais bon... J'espère bien. Voilà. Alors, dites-moi en deux mots, là, mais vraiment en deux mots, parce que j'ai une petite pause à faire très courte. De quoi s'agit-il? Eh ben, en fait, comme j'ai ce matin votre collaborateur, donc j'ai contracté une assurance complémentaire automobile qui devait normalement m'indemniser... Une indemnité de 6 000 euros, hein, en cas de vol de mon véhicule. Et ça m'est arrivé donc le 5 octobre dernier. Et après des maintes démarches, lettres recommandées, j'ai mis ça entre les mains de mon assurance, mon assistance juridique. Et malgré toutes ces démarches, bah, ils campent sur leur position. Qui est de dire fait, quoi? Parce qu'elle a vraiment été volée, brûlée, votre voiture. Et qu'est-ce qu'elle dit, l'assurance, pour ne pas rembourser? Eh ben en fait, elles se retranchent d'ailleurs leurs conditions qui sont un petit peu ambiguës par rapport à ce qu'ils m'ont donné, parce qu'en fait, les conditions de garantie, la garantie n'est acquise qu'en cas de vol de votre véhicule qui, non retrouvé, a fait l'objet d'une indemnité perte totale par la compagnie d'assurance qui vous a assuré contre le vol. Mais je trouve que c'est ambigu, en fait. Bon, allez, on va s'occuper de tout ça. C'est ambigu. On va déjà essayer de comprendre parce que oui, ça a l'air un peu compliqué. Oui, je n'ai rien compris du tout. Ah, donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous passer Maître Fellono quelques oui, instants. Oui, hors antenne. Voilà. Hein, comme ça, elle va essayer de bien comprendre oui, la différence entre votre assurance et cette assurance complémentaire. Mais tant oui, mieux parce que beaucoup font ça. Et encore une fois, c'est comme. Vous savez qu'il y a eu une période où on se faisait carjacker. Alors, on continue à se faire carjacker. Oui. Vous êtes au feu. La personne vient avec un flingue. Vous dit descendre la voiture. Évidemment, je ne peux que vous conseiller de descendre, de lui donner les clés et de partir. Et les assurances disaient derrière, oui, mais il n'y a pas eu d'agression. Donc il fallait faire semblant et d'aller demander à sa femme en rentrant, mets-moi un coup de balai dans la tronche, que je puisse faire croire qu'on m'a agressé parce que sinon on ne me rembourse pas. Ça a existé. Là, c'est encore autre chose. Il y a toujours un truc pour ne pas rembourser. Maître Fellono, vous avez une minute pour comprendre. Ça serait votre corps. Attention, nous lançons le top explication en antenne. Une petite pause et on se retrouve sur l'antenne d'RTL dans une seconde. Merci en tout cas, comme chaque matin, d'être là. 9h30-11h. Je vous souhaite une belle rentrée à toutes les mamans qui ont accompagné les petits. Oh, ça a dû pleurer un petit peu, mais vous savez, au bout d'une heure, ils oublient. Hein. Allez, nous-mêmes, quand on partons au travail le matin, on pleure. Et nos femmes ne nous plaignent pas pour autant. Alors, voilà. RTL, à tout de suite. Vous rêvez de faire construire votre maison? Alors, ne ratez pas le salon Faire construire sa maison, les 9, 10 et 11 septembre à Paris, porte de Versailles. Chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Je suis le dressing de chez Castorama. Et avec tous mes copains du rayon rangement, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à aller jusqu'au bout de leur projet. Pas vrai, les amis? Oui! Alors, ça tombe bien, parce que demain et jusqu'à dimanche, Castorama vous offre 15% de remise sur les dressings, les portes de placard, les boîtes de rangement et accessoires de penderie. Oh, ça y est, je sens que je vous donne déjà envie de ranger. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste et horaire des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le point est fait tout de suite. D'un côté, SFR, nous n'y arrivons pas. Donc nous allons trouver un autre contact. Bernard, vous essayez quand même d'essayer d'avoir quelqu'un ? Mais je suis toujours sur la plateforme 1023 en essayant une autre méthode et en tapant sur 4, mais rien pour l'instant. Hervé Pouchol, point sur Mercedes s'il vous plaît. Où en êtes-vous ? Prenez le micro et dites-moi. Alors on avance progressivement, j'étais donc reparti à Villeparisis et là je vais aller faire un petit tour du côté de Tours au service après-vente. Mais croyez-moi, parce que c'est le garage qui entretient le véhicule maintenant. Oui. Donc je vais avoir le responsable du service après-vente, on aura du nouveau dans quelques minutes, c'est promis. Mais vous rendez compte les galères au quotidien, hein. Là on en est nous déjà au cinquième interlocuteur pour une petite réparation qui n'est pas prise en garantie. Ah bah 1023, hein, si vous n'avez pas le bon numéro et donc le 1 ou le 2, ça ne fonctionne pas. On vient de me raccrocher au nez, Sarah avait bien raison. Oui mais faites des liaisons quand même, on est en train de parler de Mercedes. Vous voulez arriver en pleine phrase, il est en train de dire je suis parti à Tours pour la Mercedes. Ah bah oui Julien, le 10-23 il vous raccroche au nez. 10-23 c'est SFR. SFR bien d'accord. Sûr, pardon, excusez-moi vous Julien. Vous en prie, c'est pas grave. Vous êtes fougueux et tant mieux. Rares sont les hommes de votre âge qui le sont encore. Une grande nouvelle mesdames et messieurs, une grande nouvelle, Sting est de retour. Nouvel album, je crois que ça faisait des dizaines d'années qu'il n'avait pas composé. Et bien RTL va vous faire partager dans toutes les émissions le grand retour de Sting avec son nouveau single I Can Stop Thinking About You, coup de cœur RTL de la rentrée. Lonely, C'était à l'instant Sting et son grand retour. Nous sommes sur le cas de Jean-Pierre qui nous a appelé il y a quelques instants. Alors, cas spontané, encore une fois, on a essayé de défricher un petit peu ce qu'il nous a dit dans le 9h30-11h. Et Maître Fellonneau a bien compris, car elle est intelligente et brillante. Donc si, moi qui le suis moins que vous, j'ai bien compris que Jean-Pierre a acheté une voiture et il a une assurance, comme on en a tous une pour sa voiture. Mais il s'est payé une assurance complémentaire. Car si on lui volait sa voiture et qu'elle n'était pas complètement remboursée, la complémentaire agirait, c'est ça ? C'est même pas une histoire de complémentaire de intégralement remboursée ou pas. C'est que si vous faites marquer votre voiture, les vitres de votre voiture, c'est un double marquage. Et bien en cas de vol complet de votre voiture, à partir du moment où votre assurance auto vous a indemnisé pour perte totale de votre voiture, eux, ils vous donnent 6 000 euros. C'est ce que j'ai compris ce que m'a raconté Jean-Pierre. Et là, oui, on lui refuserait. Parce qu'en fait, sa voiture a été retrouvée, mais n'a pas été retrouvée en bon état. Elle n'était pas réparable non plus. Elle a été brûlée. Entièrement calcinée. Alors, Jean-Pierre dit, moi, dans ces conditions, j'étais indemnisée pour vol avec perte totale de mon véhicule et je ne comprends pas comment mon assurance complémentaire se sert du fait qu'on ait retrouvé mon véhicule brûlé pour dire, ben moi, je ne paye pas les 6 000 euros, c'est le contrat, c'est le contrat. Et c'est une très bonne chose, car nous allons demander à ces gens-là maintenant de nous expliquer, comme ça, vous saurez avant de prendre ce genre d'abonnement si ça sert à quelque chose. Exactement, ou pas. Donc ça, c'est un super appel. C'est vous qui vous en occupez, Bernard? Oui. Alors on y va. L'appel est lancé à Lille. Donc c'est ces assurances supplémentaires de marquage de vitres qui vous donnent des sous en plus. On vous demande de payer évidemment pour ça, parce qu'il y a un abonnement. Appuyez sur dièse pour ne pas écouter ce message. D'accord. Je vous informe que je fais partir le mail. Pardon ? Merci. Oui, j'ai demandé à vous le document, parce que là, je navigue avec. Mais... C'est le principe de la porte ouverte. Bienvenue chez Eurodatacar. Vous êtes bien au centre d'appel de Lille. Dans quelques instants, vous allez être mis en relation avec un conseiller. Merci de patienter. Vous payez combien, Jean-Pierre ? Améliorer la qualité et la sécurité. D'assurance ? Bah pour Eurodatacar. Eurodatacar, c'est 77 euros par an. Par an, ok. Ben, c'est super intéressant, hein, à première vue. Hein. S'ils le font. Oui. Qui vous a proposé de prendre Eurodatacar ? Ben, c'est mon concessionnaire à l'époque, BMW, qui m'a proposé cette assurance. Moi, je ne dirai pas qui, je ne dirai pas quoi, mais j'ai acheté une voiture il y a quelque temps où justement il y avait plein de trucs proposés comme ça, et le concessionnaire m'a dit ça ne sert à rien. Voilà, je vous le dis. Bah, si vous voulez prendre, vous prenez. Mais il m'a dit ça ne sert à rien. Ces trucs-là, vous êtes couverts, vous n'aurez rien de plus ni de moins. Il y aura toujours un truc. Il était honnête avec moi. Mais le problème, c'est qu'a priori, dans le cas où le véhicule n'est pas retrouvé, normalement, ils sont censés payer rubis sur l'ongle. Mais bon, voilà quoi. Si le véhicule n'est pas retrouvé, sauf vous, l'ambiguïté, c'est pour ça qu'il y a quand même des arguments à écouter de leur part. Eux, ils disent, mais on l'a retrouvé. Sauf qu'on l'a retrouvé cramé, donc c'est comme si on ne l'avait pas retrouvé. Ah, pour moi, c'est une tarte totale. Hein. Bah évidemment. Bah non, vous pourriez rouler dans une voiture complètement cramée. Pourquoi pas possible. Sans vitres, sans siège. Sans pneus. Sans pneus. Il n'y avait plus de pneus, il n'y avait plus rien. Et c'était vraiment une carcasse? Ah oui, c'est une carcasse. J'aurais même pu vous envoyer une photo, c'est une catastrophe. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un braquage avec, non, même pas? Même pas. J'étais en vacances à Gréoux-les-Bains, et puis un matin, je me lève, plus de voiture. Et la gendarmerie ne m'a pas signalé de mes faits avec cette voiture. Et après 15 jours de recherche, on me l'a signalé brûlée, mais complètement brûlée à 99%. Exactement. Donc on l'a retrouvée dans les 30 jours du vol. Oui. Et donc votre compagnie d'assurance auto, la première compagnie, elle est en droit effectivement de plus vous indemniser en disant on a retrouvé le véhicule, mais il faut qu'on puisse rouler avec, et il faut qu'il soit réparable, etc. Voilà. Là c'est par pas contre c'est cas. L'assurance qui paie les réparations. Ah oui, voilà. Exactement. Bon, oui, mais là c'était pas du tout réparable. Oui, j'ai bien compris. Ils ont dit c'est une épave, donc on vous la rembourse intégralement. Et l'autre assurance joue là-dessus en disant ben non, comme ils l'ont retrouvé, nous on ne paie plus. Voilà. Vous gardez la ligne, Bernard Sabat. Petite alerte, dès que nos amis d'Eurodatacar répondent, vous entendrez ça. Nous lancerons la conversation et la négociation, et il y aura une deuxième alerte avec Hervé Pouchol concernant le péplum de la Mercedes. Allô ? Non, c'est autre chose. Que se passera-t-il ? Eh bien, je vous donnerai des nouvelles, parce que je suis en ligne, en contact, pour être beaucoup plus précis, avec le responsable du service après-vente, qui a la clé, hein, pour qu'on puisse appliquer la fameuse garantie. Sinon, je contacterai Mercedes France. Allez, c'est parti. Tout ceci va se passer dans une seconde, dans le 9h30-11h, RTL. RTL. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur RTL pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur RTL. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. C'est cette année? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt? Cartable, cahier, crayon? J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12 euros par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Jusqu'au 13 septembre, chez Conforama, les tops de la rentrée vous attendent à prix coûtant. Par exemple, le réfrigérateur combiné phare 161 litres n'est qu'à 172,97 euros. Ben alors, vite, c'est un prix à saisir coûte que coûte. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Le happy 55e anniversaire Auchan, c'est maintenant. Profitez de 55% d'économies sur plein de produits. Chérie, t'as entendu? Plein de promos. Ah bon? Et même sur les... Attends, écoute. Jusqu'à mardi avec votre carte Auchan, pour l'achat d'une barquette de 8 côtes de porc échine avec os origine France, 55% sont crédités sur votre compte Wahoo. 55% sur du porc français? Et en plus, c'est tellement savoureux. Auchan, la vie que j'aime. 5,95€ le kilo, voire conditions en magasin. Happy égale heureux. Attention, nouvel événement Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec 170 chaînes TV, oui. Plus le replay, oui. Plus 5000 films en VOD. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Le 9h30, 11h sur RTL, l'émission la plus écoutée de France. Une alerte du côté, je crois, de cette complémentaire assurance voiture, Bernard Sabat. Julien, je vous passe donc la personne à qui j'ai donné l'immatriculation pour Eurodatacar. Oui, bonjour, monsieur d'Eurodatacar, Julien Courbet à l'appareil. Madame. C'est madame. Ah pardon madame, je suis désolé, excusez-moi, j'étais... vous m'avez troublé, vous avez une tellement jolie voix que vous voyez, je m'avais fait dire n'importe quoi. Je vous appelle, donc vous avez eu le temps d'en savoir plus avec Bernard Sabat. Voilà, j'ai le dossier sous les yeux. Super. Donc j'ai repris, donc ce monsieur, il a eu un vol a priori le 5 octobre et le véhicule a été retrouvé le 22 octobre. Complètement calciné. Voilà, donc nous, il a eu un rejet de dossier puisque son véhicule a été retrouvé avant les 30 jours puisque nous, on intervient dans le cadre où le véhicule n'est pas retrouvé à partir des 30 jours. Mais s'il est retrouvé, qu'il est inutilisable et complètement calciné. On n'intervient pas du tout. C'est bien spécifié dans les conditions. Nous, à partir de du moment que la voiture est volée, pas retrouvée après les 30 jours, on intervient. Si, par exemple, elle avait été retrouvée un mois et demi après, retrouvée au bout de 30 jours, c'est déclaré non retrouvé. Donc là, on intervient dans ce cadre-là, on rembourse le véhicule. Mais s'il est retrouvé avant les 30 jours, même si elle n'était pas brûlée ou autre, hein, on n'intervient pas. Donc vous êtes bien clair, vous dites après 30 jours, ça ne nous concerne absolument pas. Et ça, c'est marqué dans les conditions générales. Tout à fait. Bon. On lui a renvoyé une copie de son contrat. Donc, non. Et le jour de la déclaration, on informe de toute façon les clients. Nous, on donne la procédure. Donc le véhicule doit être déclaré dans un délai de 48 heures. Donc au bout des 48 heures, on fait une mise en opposition. On explique au client qu'au bout de 30 jours, si le véhicule n'est pas retrouvé, il nous recontacte. Donc on lui donne une liste de documents qu'il nous renvoie. Et à partir de là, nous remboursons la différence derrière son assurance principale. Par contre, si le véhicule est retrouvé avant les 30 jours, le Eurodatacar n'intervient jamais. D'accord. Maître Felonneau. Oui, alors effectivement, madame, moi je comprends tout à fait. D'ailleurs, quand le véhicule est retrouvé dans le mois de sa disparition, l'assureur principal, l'assurance auto que nous souscrivons tous, elle n'indemnise pas non plus le vol, puisqu'il n'y a plus il y a eu vol, mais qu'on a retrouvé. Voilà, mais là, l'assurance, je pense, l'a indemnisé en tant que véhicule sinistré, tout simplement. Mais alors, justement, c'est ça, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait deux conditions. Il y avait une indemnisation perte totale et qui conditionnait justement votre intervention à vous. Non, nous, madame, nous, on est le centre de marquage, on n'intervient qu'en cas de vol du véhicule uniquement. Bon. Véhicule volé. Alors, moi, je vais lire. Là on vous a téléphoné pour avoir une explication de votre contrat. Votre client va m'envoyer pour voir si j'ai la même lecture que vous. Tout à fait. Et Jean-Pierre, n'hésitez pas à nous recontacter. Jean-Pierre, vous êtes bien d'accord que vous avez reçu donc les conditions générales où il est bien marqué qu'après 30 jours, il ne rembourse pas. Après 30 jours, non, je ne l'ai pas. Enfin, disons pas dans ces termes, mais Est-ce que vous l'avez sous les yeux, Jean-Pierre, le contrat? Oui, oui, le madame, contrat. Madame, est-ce que vous auriez, parce qu'on gagnerait du temps, vous pouvez m'attraper le contrat et vous me lisez la phrase exacte. Je vous en prie. Alors Bernard, vous récupérez ça, on va lire la phrase exacte, parce que, encore une fois, on ne peut pas non plus après reprocher aux professionnels qui expliquent noir sur blanc, après 30 jours on ne fait rien. J'étais pas au courant. Un contrat, ça se lit. On les lit pas tous autant qu'on est. On ne prend pas le temps de le lire ou de poser les bonnes questions. Mais si c'est le cas, on ne peut pas leur en vouloir. Donc on va lire cette phrase clairement, puisque Jean-Pierre dit c'est pas clair. On va dire à cette dame de nous les lire. Elle les a sous les yeux. Il vérifiera qu'il a bien la même chose. Et c'est comme ça que nous allons avancer, Jean-Pierre. Vous l'avez pas, vous, le contrat, Jean-Pierre, là ? Bah si, je l'ai sous les yeux. Alors c'est quoi la phrase ? Alors la phrase, c'est les conditions de garantie. La garantie n'est acquise qu'en cas de vol de votre véhicule qui n'ont retrouvé a fait l'objet d'une indemnité perte totale par la compagnie d'assurance qui vous assure contre le vol. Voilà. Et votre compagnie d'assurance auto, elle vous a indemnisé à quel titre ? Un titre de l'assurance perte totale ou de l'assurance de véhicule sinistré ? C'est ça qu'il faut voir. Mais non, perte totale, il nous l'a dit avec une... Il nous l'a dit parce que c'est peut-être ce qu'il pense, mais est-ce qu'il faut la vérifier ? C'est ce que je lui demande maintenant. Voilà, de façon... Mais il n'est pas marqué 30 jours, là, Jean-Pierre, dans ce que vous me dites ? Non. Il n'y a nulle part marqué 30 jours. Madame, je vous écoute. Bah écoutez, je vais vous reprendre. Parce que... Allez-y. Vous êtes à quelle page, vous ? Alors, il n'y a pas 50 000 pages, c'est ça. Il est simplifié, le contrat. Allez-y. Justement. Attendez, indemnisation, c'est le véhicule volé n'est pas retrouvé. Alors, est-ce que c'est le bon contrat que j'ai ? Alors, je marque une petite pause. Ça vous laisse le temps de trouver la bonne ligne. Et j'arrive tout de suite. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. Nous allons savoir ce qu'il y a dans le contrat. A tout de suite. Euro, frontières, fiscalité, chômage. Pour lutter contre la crise, nos responsables politiques sont loin d'avoir tout tenté. Pour François Langlais, les solutions existent. Il faut juste avoir le courage de les appliquer. 2017 est notre dernière chance, sinon tant pis, nos enfants paieront. Tant pis, nos enfants paieront de François Langlais, un livre Albin Michel avec RTL. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Ici, la 308 Allure. La berline compacte par excellence avec navigation sur écran tactile, projecteur full LED et aide au stationnement. Une œuvre majeure à un prix remarquable. Pendant les immanquables Peugeot, la 308 Allure suréquipée est à partir de 249 euros par mois. Avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. LLD 37 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Ah, les conditions générales auront notre peau ! On n'arrive pas à lire, on ne comprend pas bien, on n'analyse pas bien, mais peut-être qu'on ne lit pas non plus. Est-ce que cette dame est de retour ? Non, Julien, pour l'instant, elle est en train de chercher sa paire de lunettes parce qu'elle ne lit pas bien. Non, ça c'est fantastique. L'émission est bloquée parce que cette dame ne retrouve pas ses lunettes. Je vous promets, elle le dit. Alors, je cherche mes lunettes, c'est écrit en tout petit, il faut que je n'arrive pas à lire. Et voilà, et là, elle vient de tout nous expliquer, c'est génial. C'est parce que c'est écrit en tout petit que nous-mêmes, on ne le voit pas. Et elle, la professionnelle, ne peut pas lire parce que c'est écrit en trop petit. Donc elle va chercher ses lunettes, c'est grandiose. Nous, on est en train de les regarder également. Vous avez vos... Ça y est. Mais moi, j'ai mes lunettes, mais c'est écrit très petit. Mais c'est je ne suis pas encore, il y a 50 pages. Là aussi, hein, législateur, pourquoi ? Alors peut-être que c'est pour économiser du papier. Pourquoi s'écrit en aussi petit des choses aussi importantes ? Pourquoi s'écrit en aussi petit ? Qui a envie de lire 3-4 pages comme ça où il faut une loupe pour arriver à le faire ? Enfin, donc dès qu'on a cette dame, dès qu'elle aura chaussé ses lunettes, nous allons avancer. Je vais vous donner des nouvelles en attendant. On va faire un point info, bien sûr, sur tout ce qui s'est passé. Je vais vous donner des nouvelles des cas traités depuis lundi, quatrième jour d'émission. Aujourd'hui, ça va se passer dans un instant. On y reviendra. Que voulais-je vous dire aussi ? Le jeu, faites vite, c'est un peu la fin. 32-10, touche numéro 2. Et ensuite, vous faites la touche numéro 1 pour gagner l'iPhone 6S. Le top du top, 860 euros ou bien RTL 74-900. Une alerte chez qui ? On va revenir sur le cas de Romuald avec sa Mercedes. Le cas que nous suivons depuis 9h30. On a eu beaucoup, beaucoup de mal. Et là, je viens d'avoir un coup de fil de Mercedes France, parce que je suis passé à l'étape supérieure, parce que je n'arrivais pas à avancer avec Mercedes Tour qui a réparé le véhicule. Je rappelle quand même que c'est un véhicule utilitaire. Il est bloqué chez lui, il ne peut pas s'en servir, il ne peut pas travailler. Donc là, on est vraiment dans l'urgence. Dans quelques minutes, j'aurai le retour du service client de Mercedes et on saura si oui ou non le véhicule est pris en charge. Je vous donne des nouvelles, des cas traités depuis lundi après avoir écouté cette nouveauté dans le 9h30-11h qui est vraiment l'émission de toutes les nouveautés, de tous les derniers titres. Voici Saul et Charlie Winson. Alors là, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est 2013. Mais pour RTL, 2013, c'est encore une nouveauté. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Oh oh. So. Ombre du cimetière, dans l'allée tout au fond, à 6 pieds sous terre. À deux, on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? Comme moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? Programmation ce matin sur RTL, nous aimons la musique, mais nous aimons régler vos cas. 10h33, Bernard Sabat, ça y est, nous avons donc de nouveau notre copine de chez Euro, Tatakar. Quel est votre prénom, madame? Nawel. Isabelle? Nawel. Nawel, alors Nawel, vous avez retrouvé les conditions générales. Jean-Pierre, vous écoutez bien, Maître Fellonneau les a aussi sous les yeux, on vous écoute, Nawel. Alors, les conditions de la garantie. Donc, la garantie n'est acquise qu'en cas de vol de votre véhicule qui, non retrouvé, a fait l'objet d'une indemnisation perte totale de la compagnie d'assurance qui vous assure contre le vol. Donc, voilà son véhicule. Mais l'histoire, là, l'histoire des 30 jours n'est pas spécifiée? En fait, non, c'est, je me suis renseignée entre temps, c'est défini par les assurances, les 30 jours, parce que l'assurance principale, au bout de 30 jours, rembourse le véhicule, qu'il soit retrouvé ou pas. D'accord, alors Maître Fellonneau. Alors voilà, effectivement, ce délai de 30 jours, il est sous-jacent, voilà. Puisque le véhicule est considéré volé, en fait indemnisable en tant que véhicule volé, voilà. Qu'au bout de 30 jours. Voilà. Mais, donc effectivement, la phrase très importante, c'est quand votre véhicule a fait l'objet d'une indemnisation perte totale. Voilà. Et je regarde avec Jean-Pierre, effectivement, il ne retrouve pas son document, mais je pense qu'il n'a pas été indemnisé pour perte totale, il a été indemnisé pour véhicule irréparable. Voilà. Effectivement, oui. Et parce que ce véhicule a été retrouvé. Voilà. Donc, c'est une information qui est quand même importante à faire comprendre aux gens, c'est qu'effectivement, votre assurance, pour 77€ par an, verse jusqu'à 6 000€ à condition que le véhicule ne soit jamais retrouvé, quel que soit l'état de ce véhicule. Alors voilà, s'il est retrouvé au bout d'un mois et demi, à partir du moment que l'assurance rembourse le client pour vol à la date des 30 jours, à partir des 30 jours, nous, on intervient, même si la voiture elle est retrouvée brûlée, après, mais après mois, les 30 jours, voilà. On a bien compris. Voilà. Voilà. Okay. Donc, et ça, on l'explique aux clients quand ils font leur déclaration. Voilà, Jean-Pierre. Voilà. Bon. Il a l'information. Mais au moins, vous le savez, nous vous avez permis d'expliquer tout ça à nos auditeurs. Mais il n'y a pas de souci. Ouais. Bonne journée, mon Jean-Pierre. Journée. Je suis désolé. Merci beaucoup. Ben, merci. En tout cas, merci à vous. Je vous en prie. Continuez votre émission. C'est gentil, vraiment... merci. Merci, Madame de Rodatacar. J'étais ravi de vous parler. Vous êtes très gentil. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, très gentil, cette dame. Ah, charmante, elle a retrouvé ses lunettes, donc c'est bon. Ah oui, c'est vrai, madame. Vous êtes toujours là, elle a raccroché. Mais il fallait les faire tatouer comme ces vitres de voiture. Allez, nous allons maintenant revenir sur tout ce qui s'est passé hier, car c'est un feuilleton chaque jour, le 9h30, 11h RTL. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. La farandole des cas d'hier, il y avait Violetta qui nous avait appelé avec un voyage raté. Écoutez ça. On est parti en vacances pour un séjour en Crète. Ça nous a coûté 3 350 €. L'hôtel devait être un 5 étoiles, mais il a dû les perdre le temps que l'on arrive sur place. Alors, Violetta, je rappelle que Voyage Privé a proposé hier un remboursement au départ de 550 €. Il y a eu une négociation de Bernard Sabat. Où en est-on, Bernard ? Alors, la négociation initiale était 150 € d'avoir et hier 550 € qui sera recrédité sur sa carte, là, je pense, vendredi. Et l'hôtel a été retiré du catalogue. Exactement. Ça, c'est une bonne chose. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Le cas va être résolu normalement demain ou après-demain. Nous avons eu Benjamin. Écoutez, qu'est-ce que nous avait dit Benjamin dans le 9h30-11h ? Cela fait près d'un an qu'une compagnie aérienne doit nous rembourser plus de 4 000 €. Le vol que l'on avait payé a été annulé et la ligne ayant été fermée. Nous sommes une association humanitaire et on a besoin de cet argent. Incroyable cette histoire. Il donne un acompte pour 40 billets d'avion. On lui dit, la ligne, elle n'existe plus. On va vous faire passer par ailleurs et ça va vous coûter plus cher. Par Londres. Non, vous allez me rembourser. Vous savez combien ça coûtait ? 580 € par personne. Pour du caritatif. De taxes d'aéroport. N'importe quoi. Et le Paris-Londres ajouté. N'importe quoi. Où en est-on ? Écoutez, on avait un rendez-vous téléphonique avec eux. Ça sera mardi prochain avec le superviseur, car on a eu Joël qui parlait français, Julien, et qui est basé aux îles Fidji. Ah. C'était un jour férié hier. Ils nous ont demandé quelques jours. Je pense qu'on aura du nouveau mardi. Bravo Bernard. Le cas de Catherine. Ah, c'est le fameux... Ah, une alerte toujours prioritaire. Hervé Pouchol. J'ai monsieur Aratel qui est le responsable du service après-vente de Mercedes Tour qui connaît le dossier. Nous sommes... Donc concernant Romuald Gien, c'est notre fil rouge depuis 9h30. Nous sommes dans le Money Time, c'est les 20 dernières minutes. C'est maintenant que tout se passe avec tous les cas. Attention, tout se joue maintenant. C'est le Money Time dans le 9h30-11h sur RTL. Bonjour monsieur de chez Mercedes, merci mille fois de nous parler. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Comment peut-on avancer avec le cas de Romuald, s'il vous plaît ? Je pense que le client devrait faire appel à sa compagnie d'assurance puisqu'il y a une expertise contradictoire. Ah, alors attendez. C'est-à-dire, et pourquoi ? Comment ça se fait qu'il y a une expertise contradictoire ? Ça s'est passé pourquoi, comment ? Il le savait, ça, Romuald, vous le saviez ? Oui, je le savais, mais... Aujourd'hui, en tant que petite entreprise, mon assurance, elle, ne veut pas continuer l'expertise et je suis obligé de prendre un avocat à mes frais. Et donc, je préférais... à la base, c'était on voulait faire quelque chose d'amiable, mais comme... Oui, mais amiable, et comprenez bien qu'amiable, ça veut dire que Mercedes paye, Mercedes, ils disent, si nous, on n'est pas d'accord, on ne va pas payer. Pour le plaisir de payer amiable, ça ne veut pas... Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à la réparation, monsieur ? Vous dites que ça ne rentre pas en garantie parce que c'est un défaut d'utilisation. Quel est le point de vue de Mercedes là-dessus pour faire une contre-expertise ? Tour, Mercedes Tour, nous-mêmes. Pourquoi on ne le rembourse pas, voyons. Attendez, je pense qu'il doit y avoir une petite erreur. Oui. Puisque le véhicule, nous Tour, on est intervenu uniquement une seule fois sur ce véhicule. Oui. Pour un problème électrique d'alternateur. Oui, qui est passé en garantie. Qui est passé tout à fait à charge du garage vendeur. Oui. C'est-à-dire Mercedes Techstar. Tout à fait. Et puis il a eu une deuxième panne. Et aujourd'hui, on a un souci avec le calculateur moteur. Oui. Donc ça ne rentre pas en cause dans l'extension de garantie qui a été prise auprès de Mercedes Techstar. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un litige entre notre client et Mercedes Techstar. D'accord. Donc on est bien d'accord. Donc on va retourner chez Techstar. Il va falloir qu'il nous explique pourquoi vous avez bien fait. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était votre interlocuteur chez Techstar et est-ce que vous avez fait une demande officielle à Techstar de dire est-ce que vous prenez en charge ou pas la réparation ? Oui, la demande avait été faite à Techstar et on éventuellement normalement, il faudrait que je ressorte le dossier pour savoir l'interlocuteur qu'on a eu chez Testar. Ça serait fantastique. Mais je pense que pour nous, hein, c'est le vendeur véhicule d'occasion qui a été contacté. Mais je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est une, il y a une garantie qui existe, donc il faut vraiment qu'on ait là et tenter en 20 minutes dans le Money Time, ouais. Hervé Pouchol, d'avoir Monsieur Frédéric Joubert, le président de Techstar, qu'il explique clairement pourquoi la voiture qu'il a vendue aujourd'hui, on ne veut pas lui réparer et on met ça sur le dos d'un deuxième garagiste chez qui a été Romuald, qui dit non, c'est une garantie vendeur, c'est Techstar qui doit réparer. Donc il y a pas d'expertise ou de contre-expertise, la voiture est déjà tombée en panne souvent. C'est la patate chaude. Je retourne chez Techstar, je les connais, hein, je connais les numéros de téléphone par cœur maintenant et tous les noms. On va demander à Monsieur Frédéric Joubert, ils sont sérieux, normalement il faut qu'ils nous rappellent. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Lazare ? Prenez, je vous le rappelle, que je ne comprends ni le mime ni le sémaphore. Donc le mieux, c'est de prendre un micro qui a été conçu pour vous afin d'écouter votre voix. Ah, je pensais qu'on avait trouvé quelque chose qui était assez important pour nous. C'était je frappe au numéro 1, c'est un peu le cas ce matin. C'est pour avec ça que vous m'avez dérangé, oui. D'accord. Ah oui, parce que alors attendez, ceci étant dit, il n'a pas complètement tort. Est-ce que je peux avoir un stylo, s'il vous plaît, Maître Felloneau ? Quelles sont les villes, Hervé, je vous dérange quelques instants. Quelles sont les villes que vous avez eues pour Mercedes ? On a d'abord appelé Melun. Alors, Melun, enfin vers Melun. Alors, on va dire Melun. Ah, voilà. Ensuite, on a eu Saint-Denis. Et on a eu Tours. Bon, là c'est parfait, là ça nous permet effectivement, pour ce petit problème de réparation, de pouvoir lancer les hostilités. Je frappe au numéro 1, je demande ville parisienne, Mercedes me répond. Mais qu'est-ce que se passe-t-il ? On ne repart pas s'il faut appeler ailleurs, on va pas réparer. Voyez du côté de Melun, car eux ils seront fermés. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier, allez voir à côté. Du coup, Hervé Pouchol appelle, et c'est bien normal. J'appelle chez Mercedes Melun, je demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle ? On prend pas mal à l'ordi, il faut prendre une extension, nous on ne répare pas. Voyez à Saint-Denis, eux ils savent faire, car nous on ne le fait pas. Ah, ah, ah, je ne connais pas ce genre de métier, allez voir à côté. Donc du coup nous avons appelé évidemment à Saint-Denis. J'appelle et je demande Mercedes. Là, voilà. Ça peut aller jusqu'à Tours comme ça. Merci beaucoup. Allez, on continue. Je veux le président, je veux que l'on avance sur ce dossier. On ne lâche pas, monsieur Joubert, soyez sympa, aidez-nous. Montrez que vous êtes des gens sérieux, ou au moins donnez-nous une bonne explication. On n'est pas là pour dire, voyez, on a fait un cas il y a quelques instants. L'auditeur avait tort, pim, en toute transparence, on lui a expliqué, monsieur, c'était marqué, peut-être en petit, mais vous avez tort. On n'est pas là pour embêter les professionnels, on est là pour comprendre, pour que plus personne ne se fasse avoir et soit bien conscient de ce qu'il fait quand il achète ou répare. Et puis, si jamais il y a une erreur du professionnel ou du particulier, on lui demande de la réparer. Exactement. Et Julien, par votre question, vous avez soulevé un point crucial, c'est que la garantie légale de conformité, c'est une présomption en fait de responsabilité du garagiste. Le défaut est censé avoir existé avant la vente. Et donc, il doit réparer, sauf s'il y a eu une mauvaise condition d'utilisation. Est-ce qu'on a oublié de mettre de l'huile, etc., etc., qui pourrait à ce moment-là disculper le vendeur. Mais aujourd'hui, il faut qu'il nous explique pourquoi il ne veut pas prendre en charge cette réparation. Le 9h30, 11h sur RTL, le club branché de Paris qui devait payer des intervenants. Je vous donne du nouveau dans une seconde. Je voulais vous faire écouter quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est Vianney, vous savez, qui chantait « Où t'es pas là ». Mais là, il fait un duo avec une autre personne qu'on aime beaucoup, c'est Joyce Jonathan. Et ce duo, il est magique. Ça s'appelle Les filles d'aujourd'hui et ça, c'est une belle nouveauté RTL dans le 9h30-11h. Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui, et malheureusement j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui, elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui. Les gens de mon temps s'enlacent, et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface. On se rend débile d'amour un temps. On se défie. We'll be right back. Elles sont déroutantes, les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuir. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi? Oui. Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache. Jonathan et Vianney en duo, les filles d'aujourd'hui. Et tiens, en parlant de chanteurs, demain on aura un invité, puisqu'on aura un invité par semaine, hein, normalement, qui viendra être témoin, téléphoner avec nous, parce que c'est toujours sympa de dire, écoutez, je vais vous passer une star qui va vous expliquer le problème. Et là, c'est un copain de 30 ans, qui est extraordinaire quand il vient en radio, parce qu'il adore la radio. C'est, pour lui, c'est magique. Je peux vous assurer qu'il caresse le micro comme ça, avec amour. C'est Gilbert Montagnier qui demain va téléphoner avec nous pour régler vos problèmes. Donc ça va être topissime. On est tellement content d'avoir le Gilbert. C'est un homme tellement sympa et tellement talentueux. On continue avec le Ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Donc Catherine était venue et nous avait dit ceci sur l'antenne d'RTL. Je suis graphiste, j'ai travaillé pour un club privé, très branché, qui fait tout pour jouir d'une image de marque, mais il me doit 7 600 €. J'ai même eu droit à des chèques en bois. Donc Catherine, elle est passée hier, on y est revenu avant-hier, je crois, ça avait commencé, on avait appelé le comptable qui a dit non, on a des sous, parce que j'avais demandé au comptable, est-ce qu'il n'y a plus de sous, autant lui dire. Non, mais moi j'attends qu'on me donne l'ordre de faire les chèques, on ne me le donne pas. On a essayé d'avoir Monsieur Frisch, qui est le patron, on a lancé en plaisantant le fricheton pour l'avoir tous les jours pour pouvoir avancer. Est-ce que Sarah, on avance sur ce dossier? Eh oui, enfin, voilà la fin du tunnel. J'ai eu un mail de l'avocat de Monsieur Frisch, Sophie Nérol, qui m'a tout simplement expliqué, en fait, qu'au niveau la comptabilité, en fait, il ne voyait pas les demandes des deux protagonistes, mais qu'il n'y avait aucun souci. Elle attend simplement que les documents lui soient envoyés par mail. Elle va gérer personnellement la situation. C'est l'avocate. D'accord. Je la remercie parce qu'elle a vraiment été à l'écoute. Elle va tout faire pour régler le problème. Elle revient vers moi, en tout cas, pour nous donner la solution. Bon. Mais c'est une question de temps. Alors, je ne sais pas si l'auditrice est en ligne ce matin à travailler. Alors, c'est pas gagné. Hein. C'est loin d'être gagné, mais ça y est, il n'y a plus de blocage total, puisque là, elle n'avait aucune nouvelle. Elle a bossé, c'est probable. De toute façon, il y a aucun souci dans ce dossier. J'ai l'impression que ce monsieur a peut-être un petit problème ou d'emploi du temps, d'organisation, mais son avocat dit, attendez, laissez-moi régler ça, je vais voir avec lui, même s'il faut s'arranger, mais elle va être payée, c'est vraiment, ça vraiment, ils ne remettent rien en doute, ils veulent simplement avoir les documents, la preuve. Bah, et les ensuite, documents, ils l'ont fait travailler, c'est à eux d'avoir les documents quand même. Mais non, bon, mais c'est les factures, elle peut renvoyer les On va pas faire les bégueules. Ouais. Bon, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, ça on les prend, on prend toutes les bonnes nouvelles, puisque chaque matin, entre 9h30 et 11h, nous essayons de régler vos problèmes. Nous le faisons certes dans la bonne humeur, mais quel que soit votre souci, dites-le autour de vous. Il y a une radio qui fait ça gratuitement. Alors vous continuez, 3210, hein, toutes vos galères, toutes vos aberrations, on continue. Est-ce qu'on a d'autres fiches qui arrivent? Un nouveau cas. On marque une minuscule pause, c'est pour une bande-annonce. J'ai aussi l'iPhone à vous faire gagner. Tout ceci se passe dans une seconde sur RTL 9h30-11h. RTL présente le Vampitour. La tournée événement des stars de ta série préférée Chica Vampiro est de retour. Retrouve Daisy, Max, Marilyn et Mirko au Zénith de Paris le 2 novembre et en tournée dans toute la France du 19 octobre au 6 novembre. Réserve vite tes billets dans les points de vente habituels et sur RTL.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. J'avais prévenu, j'avais dit, ça sera cool. Et ça a été très cool. Nous allons faire gagner un iPhone 6S d'une valeur de 860 euros. La plus grande taille, le plus grand en tout, plus large mais beaucoup plus fin, plus puissant mais remarquablement économe en énergie. Sa surface lisse métallique épouse à merveille le nouvel écran Retina. Faites sonner maintenant, nous allons voir où nous allons. Nord, sud, est, ouest, nous sommes partout. C'est pour ça qu'RTL aussi est la première radio de France. Nous allons faire plaisir, je l'espère. Si la personne n'est pas là, on passe au... Allô ? Allô ? Oui, Sébastien, le conseiller mythique. Bonjour. Nous sommes là pour vérifier votre profil. Vous êtes bien Camille du Nord ? C'est bien ça. Étudiante en droit. Oh, bonjour Camille. Ça va, ma Camille ? Ça va, merci. La fac reprend quand ? Bientôt, la semaine prochaine. Vous êtes en combien d'années, là ? En troisième année. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, Camille ? Je ne sais pas encore, bon. Je ne sais pas du tout. Et parlez-moi un peu de votre portable actuel. Qu'est-ce que c'est en quoi ? Alors, un iPhone 4S, il commence à être vraiment en fin de vie, donc il est grand temps de le changer. Non, on ne peut plus se balader à votre âge avec un 4S. Bah oui, c'est pour ça. Je vous envoie le 6S, l'extra plat. 860 euros, voilà ma Camille, je vous envoie tout ceci. Bonne chance pour la suite de vos études. Merci Julien. Gros bisous Camille. Gros bisous, au revoir. À bientôt, au revoir Camille. Bon, nous allons encore faire un heureux. Demain, il y aura un nouveau iPhone 6S à gagner. Ça sera le dernier de la semaine pour vous récompenser de votre fidélité. Alors, hier, encore un cas qui a eu un petit rebondissement. Bernard, hier, c'était Corinne qui nous avait dit ceci sur l'antenne d'RTL. Nous avons loué deux box à des propriétaires de chevaux. Ils nous doivent 712 euros. Le père nous a fait un chèque, mais il est sans provision sur une société qui n'existe plus. Et nous avons donc hier téléphoné à un monsieur. Donc je rappelle que Corinne a des box. Deux jeunes hommes viennent confier leurs chevaux à cette dame. Donc c'est une pension. On paie ça comme un appartement, un loyer. Sauf que les loyers ne sont pas payés et que le chèque revient en bois. Nous appelons le père, puisque les enfants ne sont pas vraiment concernés. C'est le père qui paie. Et là, le père nous dit, attendez monsieur, je ne comprends pas. J'ai pignon sur rue, j'ai de l'argent. Et voilà, etc, etc. Et ce matin, il nous a envoyé un mail. Ma chère Sarah, que dit ce mail ? Alors là, franchement, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Je vous le lis, ces méthodes dignes de la Gestapo sont ignobles. Piéger quelqu'un en faisant uniquement entendre votre point de vue, c'est tout simplement du totalitarisme. En d'autres temps, on aurait dit autre chose. Nous irons donc en justice contre cette émission indigne et contre vous. Voilà. Et il ne parle pas de paiement, je puisque vous signale. C'est... Non, alors je rappelle qu'ils mettent aussi... Puisque c'est vous avez mis dehors les jumeaux, nous avons des SMS édifiants. Alors, parce qu'ils s'adressent en fait à la personne. Oui. Il semble dire que c'est la personne qui a mis... Les enfants dehors. Les enfants dehors. Bon, je rappelle qu'on a eu aussi un deuxième témoignage. On a vu quand même un deuxième témoignage d'Edouard Morel, gérant des écuries de Saint-Père, qui nous a dit « Moi aussi, j'ai eu des impayés avec Gérard Brisson ». Alors, à ce monsieur... Clairement qu'il envoie donc un courrier s'il ne veut pas nous parler à cette dame en lui expliquant pourquoi il ne veut pas payer. Ça serait bien que noir sur blanc, il lui dise. Ou alors qu'il l'attaque en justice. En attendant, elle nous dit « J'ai mes chevaux là-bas, ils n'ont pas été payés ». Est-ce qu'elle est en ligne d'ailleurs ? Elle est en ligne. Alors, je vais lui demander. Oui. Allô, vous m'entendez ? Oui. Voilà, vous avez vu le courrier qu'il a envoyé. Donc, il paraît... J'essaie d'interpréter puisque ce monsieur ne veut pas parler. Il semble dire que c'est vous qui avez mis les fils dehors. Oui, parce qu'ils... On les a mis dehors parce qu'ils venaient désagréables et dangereux venir aux mains avec certains de nos clients. D'accord. Clients. Mais est-ce que c'était en même temps que les non-paiements ? Non, parce qu'une pension qui est due et un mois de pension qui est commencé est dû. Bon, oui, d'accord. Et mais de toute façon, il nous a quand même fait un impayé au mois d'avril avant. Enfin, c'est complètement. Enfin, moi, je trouve, hein, je le dis aux deux, aller en justice pour ça quand on sait comme les juges galèrent pour régler. Mais malheureusement, vous n'avez pas trop le choix. Il suffirait là de se parler au téléphone, quitte à se dire ces quatre vérités, de s'envoyer un petit chèque, de tailler une cote, de faire une petite négo et tout irait bien. Ce monsieur est dans son droit le plus absolu. S'il n'a pas envie de nous parler et s'il a envie, alors il dit qu'il va déposer des plaintes, etc. On les attend. Il a le droit. On va rappeler le principe de la diffamation, c'est de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je l'ai appelé pour qu'il donne sa version des faits, comme nous le faisons à chaque fois. Il a refusé de le faire, il m'a raccroché au nez, on a la bande, elle est enregistrée, il nous a dit j'ai de l'argent, etc. Mais en attendant, il reste ses impayés. Maintenant, si, est-ce qu'il vous a envoyé, vous, un courrier en vous disant à un moment donné, mes enfants, vous les avez mis dehors, c'est une honte. Est-ce que vous avez eu des choses comme ça? Non, c'est mon mari qui lui... oui, là, il nous a confirmé qu'il paierait que 500 au lieu de 712 parce que c'était, il y avait eu que 20 jours. Ah d'accord, parce qu'il peut au prorata. Mon mari, je comprends, oui. Mais mon mari lui a répondu, et moi, que... on était obligé pour le bien de la société de s'en séparer. Bien, et vous avez des attestations de gens autour, là-bas, qui pourraient dire ce qui s'est passé? Je regarde. Bon, ok. Oui. Maître Félonneau. Alors, sur le montant, ça peut être l'objet d'une négociation. Vous pourriez peut-être renoncer à ces 212 euros, ça calmerait le jeu. Mais il faudrait au moins avoir les 500 euros, puisque je rappelle tout qu'il y a fait. Un chèque impayé. Ouais. Alors, ça, vous disposez... Juste, j'ouvre une parenthèse, pardonnez-moi, Maître Félonneau, parce que ça change beaucoup de choses. Bah, moi, oui. Je suis prêt à écouter tout le monde. Il y a personne n'a tort ou a raison, on écoute. Mais il faut quand même savoir que ce monsieur a fait un chèque en bois. Exactement. Voilà. Hein. Ça, c'est quand même très grave. Et alors, il en a fait plusieurs. Oui, enfin, on va parler que de vous. Ouais. Hein. Donc, il y a une procédure. Non, mais moi, il m'en a déjà fait en avril. Oui, ouais. D'accord. Donc là, votre banquier vous a indiqué la procédure à suivre. La banque va vous délivrer un certificat de non-paiement et vous vous présenterez avec un huissier, puisque vous n'avez plus besoin de passer par la case tribunal. Ce document de la banque, vos jugements, et l'huissier ira tout simplement saisir ce qu'il peut, là où il peut. Voilà. Dans l'affaire. J'ai reçu juste une lettre de rejet de la banque. Oui, mais elle va vous donner le reste, il y a un délai à attendre qui est passé, maintenant elle va mais vous donner faites-le, le reste. Mais faites-le, ça vaut acte d'huissier, hein. C'est d'accord. Très important, d'accord. On se juge. C'est vos jugements. Voilà, vous appelez la banque et vous dites maintenant je veux passer à la vitesse supérieure pour pouvoir lancer un huissier. On se reparle demain, après-demain, on continue. Hervé Pouchol. Alerte sur le cas de Romuald et sa Mercedes qu'il a acheté chez Techstar Mercedes. J'ai le patron, monsieur Mango, qui est en ligne. Bonjour monsieur Mango, alors c'est la fin de l'émission, on est un petit peu malheureusement. Bonjour, j'ai deux minutes, je vous écoute et merci en tout cas de nous répondre, ça prouve que vous êtes des pros. Comme je disais à Maître Pouchol, je viens de reprendre le dossier, donc j'ai regardé un petit peu le dossier. C'est un véhicule, effectivement, qu'on a vendu à la société Couverture Gien au mois de novembre 2015. Il y a eu un souci sur ce véhicule au bout d'un mois et demi qui était refusé par la garantie. Nous l'avons pris à titre commercial, il y a eu une facture de 1 000 euros. Depuis, Monsieur Romuald Gien a demandé une expertise du véhicule. J'ai un rapport d'expertise qui date du mois de juin, nous met hors de cause concernant le véhicule. Et après, par contre, je ne sais pas donc la demande de M. Gien. Donc, j'ai le dossier. Maître Félonneau. Alors, j'ai commis une erreur et que je dois rectifier tout de suite. Je vous ai parlé de la garantie légale de conformité. Ça ne concerne que les rapports entre un professionnel et un particulier. Je pensais que Romuald était un particulier. Là, c'est un rapport entre deux sociétés. Laissez Romuald parler. Mme Nathalie, il vous parle. Romuald. Je voulais préciser que j'ai acheté le véhicule en... Pardon ? J'ai acheté le véhicule en tant à mon nom propre. En particulier, il l'a acheté. Il l'a pas acheté en professionnel. Ah bon, bah alors si vous l'avez acheté à titre privé, donc c'est bien la garantie légale de conformité qui est le cœur du monsieur, débat. Monsieur, ce que je vous propose, comme on est en fin d'émission, est-ce que je peux vous passer en antenne Maître Félonneau qui va avoir un tout petit débat d'une minute trente ou deux avec vous et demain en ouverture d'émission, on dit si on fait, si on fait pas et ce qui se passe. Vous le souhaitez. Hein, comme ça. Le dossier, voilà, et on fait ça quel moment. Merci monsieur en tout cas de nous avoir parlé. On n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort, juste pour comprendre et ça permet à des milliers de gens de savoir comment ça se passe dans ces cas-là. Donc elle va vous parler, je vous commute et je vous parle demain matin pendant l'émission en ouverture pour savoir comment se finit ce dossier. Car cette émission ne s'arrête jamais, il y a le direct mais il y a tout ce qui se passe derrière. Comme ça demain on en saura plus. Bon, si on fait un point pour hyper rapide, écoutez ça s'est plutôt pas mal passé. Romuald et la voiture en panne, réponse demain, on a le directeur, c'est pas mal. Saoudad et SFR, là c'est un peu on en est où? On a laissé les messages à la plus haute direction de SFR pour qu'ils nous rappellent cet après-midi, donc demain. Je pense que Sarah aura du nouveau dès demain. Je veux du nouveau, Jean-Pierre et l'assurance, Jean-Pierre s'est trompé, l'assurance nous l'a dit, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui et demain, on remet ça en compagnie de Gilbert Montagnier. Bonne année scolaire avec Carrefour. Maman, j'ai une super nouvelle. Ah, alors laisse-moi deviner, t'as déjà eu un 20 en maths ? Non, pas encore. Mais ma bonne nouvelle, c'est que chez Carrefour, pour la rentrée, jusqu'à lundi, pour deux paquets de Kinder Bueno achetés, le troisième est gratuit. Alors ? Alors, t'es un petit génie, toi ! Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, jusqu'à lundi, pour deux paquets de Kinder Bueno achetés, le troisième est gratuit. Et c'est aussi valable sur d'autres produits. Paquet de 12 fois 2 barres. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Merci à toutes les équipes d'Alain Hazard, Charlotte, Marie, Sarah. Il y avait nos deux négociateurs, Bernard et Hervé. Merci les gars. Merci à demain. Jules. Maître Félonneau et notre Stéphane est déjà en ligne. Absolument, cher Julien. Et nous avons notre parrain, celui de la télévision. C'est Michel Drucker qui entre dans le studio. Et oui, Michel Drucker est notre invité parce que, savez-vous, mon cher Julien, que Michel va être sur scène à Paris maintenant. Mais bien sûr, je suis la rodée tout ça. Il a été partout en province et il attaque Paris, bien sûr. Mais oui, il marche sur vos brisées d'une certaine manière sur scène. Il a l'air de s'éclater en tout cas. Ah, il s'éclate. Bah, vous le savez mieux que quiconque. Hein. Sur scène, c'est une autre vie. C'est un autre homme. Je le vois courir partout dans le studio. Oui, regardez, il rajeunit. Bon, embrassez-le et passez une bonne émission. Je l'embrasse de votre part. Vous allez écouter Stéphane Bern. Demain matin, le 9h30-11h est de retour avec Gilbert Montagnier pour nous aider à régler vos cas. Bonne journée à tous. Il est 11h. Formation. C'est avec Anne Le Hénaff. Rebonjour Anne. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Et c'est une rentrée des classes qui se déroule sous haute sécurité après les attentats qui ont visé la France depuis un an et demi. Avec des patrouilles mobiles près des établissements scolaires, des formations au premier secours et des exercices d'alerte pour les élèves. 12 millions d'élèves et de profs ont repris le chemin de l'école ce matin. C'est d'ailleurs la question du jour de RTL Midi. Estimez-vous que vos enfants sont en sécurité dans les écoles? Vos réponses dès maintenant sur notre site rtl.fr. Et la réponse totale dans RTL Midi à midi et demi avec Christelle Robière et Vincent Parisot. François Hollande, lui, assiste en ce moment à cette rentrée scolaire dans la ville d'Orléans. La France appelle à la retenue après les violences qui ont secoué le Gabon la nuit dernière. Des heurts ont éclaté après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo à la présidence. Son opposant Jean Ping conteste les résultats du vote. L'Assemblée nationale a été incendiée hier. Le QG de Ping est pris d'assaut par les forces de sécurité. Il y a au moins 2 morts et plusieurs blessés. Le centre-ville de la capitale Libreville est bouclé et quadrillé par les forces de l'ordre ce matin. La photo du petit Elan, mort noyé en Méditerranée, échoué sur une plage turque, avait fait le tour du monde, des réseaux sociaux et la une de tous les journaux il y a un an. Ce matin, le père du petit garçon syrien qui avait 3 ans, qui a perdu un autre fils et sa femme dans le naufrage, lâche sa colère dans une interview au journal allemand Bild. Après la mort de ma famille, les politiciens ont dit « plus jamais », mais les morts continuent et personne ne fait rien. Cet homme vit aujourd'hui à Erbil, au Kurdistan irakien. Football, la Syrie, en pleine guerre depuis 5 ans, donc, espère se qualifier pour la Coupe du Monde de 2018. Le match de qualification qui l'oppose à la Corée du Sud se jouera en Malaisie, la Syrie n'étant pas en mesure d'accueillir des compétitions sportives. L'équipe de France, elle, disputera son premier match de qualification mardi en Biélorussie. Ce soir, elle affronte l'Italie en match amical à Bari, coup d'envoi à 21h. Et rendez-vous dès 20h sur RTL pour le Club France RTL avec Christophe Paco et Bichente Lizarazu. Le temps, ce sera ensoleillé cet après-midi avec quelques orages sur la montagne Corse et les Alpes du Sud. Il fera entre 20 et 34 degrés dans la journée. 20 à Cherbourg, 21 à Brest, 24 à Lille, 26 à Amiens, 27 à Paris et à Reims, 28 à Colmar, 29 degrés pour Nantes et Clermont-Ferrand, 30 à Marseille et à Lyon, 31 à Toulouse et à Bordeaux, 32 degrés à Grenoble et 34 degrés pour Nîmes et pour Avignon. Les courses sont aujourd'hui à Chantilly. Voici les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet Plus. 4, 3, As, 6, 2, 10, 14 et 8, 4, 3, As, 6, 2, 10, 14 et 8. La dernière minute de Bernard, c'est le 3, Santa Manza. 11h03 sur RTL, très bonne matinée à tous, c'est l'heure de retrouver Stéphane Bern à la bonne heure. Absolument, Anne Le Hénaff, qu'on vous retrouve, vous, à midi, pour un nouveau point. C'est absolument, pour un autre point sur l'actualité. Nous plongeons avec Delis dans À la bonne heure, avec notre invité. 11h-12h30, Stéphane Bern, à la bonne heure. Et notre invité aujourd'hui dans La Bonne Heure en direct et en public sur RTL, c'est Michel Drucker. Ah là, ça fait plaisir de vous voir, Michel, d'abord, parce que moi j'ai besoin de rendez-vous. Vous savez, c'est comme des bornes comme ça dans l'année. Il y a besoin de voir Michel Drucker au début de la rentrée, puis au mois de juin, pour savoir si tout va bien dans le monde. Vous êtes une borne kilométrique. Oui, voilà. C'est la première fois Michel Drucker de borne. Et surtout, on va en parler, je vais le présenter dans un instant. Ça y est, il est à Paris, sur scène, à partir du 1er octobre, on va en parler. Je vous présente d'abord tous mes petits camarades, parce que cette saison, il y a énormément de nouveautés dans À la bonne heure. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, cher Michel, puisqu'il a travaillé avec vous, c'est Oldelaf. Et bonjour Oldelaf. Bah, bonjour à tous. C'est une bonne idée de le prendre. Mais oui. Mais oui, bon, quelques chiffres quand même. La Tristitude, 4 millions de vues sur YouTube. La Peine de mort, 1 million de vues sur YouTube. Le Café, 13 millions de vues sur YouTube. C'est pas mal, hein, ce que vous faites. Je suis un homme de chiffres, ouais. Comme quoi, le Café plaît plus que La Peine de mort. Eh bien, tous les jeudis, il viendra nous chanter une chanson qu'il a écrite, évidemment, sur l'actualité. Eh bien, la première, c'est tout à l'heure, après-midi. Autre nouveauté à la une, Édouard Dutour. C'est une prise de guerre. Bonjour à tous. Au magazine Elle. Il vient tous les jeudis pour nous dire ce qu'il a lu dans la presse, et notamment dans la presse People, parce qu'elle sort le jeudi. Et on parlera de vous, de ces fans, parce que vous êtes une star. Évidemment. Ah bon, mais non, il y a des gens plus importants. J'ai vu que Sophie Marceau, vous êtes